Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, le podcast où on parle des films qui nous ont marqués durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 33, enregistré le 16 juillet 2017. Je suis Axel, l'un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul, puisque j'ai à mes côtés mon co-hôte habituel, Morgane. Salut. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais excellemment bien et je suis très heureux d'être le seul... Pour l'instant de l'émission, voilà, le seul coach. Tout le monde se barre en vacances, voilà. Ouais, voilà, tout le monde se barre en vacances. Tout le monde se barre en vacances. Ouais, puis il y a plus, enfin voilà, moi j'ai l'amour de vouloir parler des films. Bon, en réalité, j'ai pas une thune pour partir en vacances, quoi. Mais bon, genre. Je crois qu'on est deux. Les deux pauvres qui parlent de films au lieu de partir à la mer. C'est ça. C'est ça. On est coincé là. Bon bah on vous fait une émission quoi. On va parler quand même de pas mal de films. Peut-être on n'en parlera pas longtemps, mais au moins on parle de pas mal de films puisque. Ouais, histoire d'être là pour quelque chose quand même. C'est ça. On a vu quand même pas mal de choses ce mois-ci. Donc je vais vous faire le sommaire rapidement. On commencera avec la Select où on parlera entre autres de La Momie, Le Manoir. OJ Made in America, Wonder Woman, Split et Les Temps Modernes de Charlie Chaplin. Oui, vous voyez, on fait un peu de tout et enfin, il a fallu trouver des films, donc on a choisi ces films-là. Le film du mois, on a choisi. Normalement, ça devait être Wonder Woman, mais d'un commun accord avec Morgan, on a décidé que ce serait Okja. Donc c'est une première un peu voilà. pour le podcast Movies Nerd qu'on parle d'un film qui est sorti uniquement en VOD et sur Netflix uniquement sur Netflix. En tant que film du mois. Donc voilà, on espère que vous l'avez vu, on espère que vous avez Netflix pour qu'on puisse en parler. On va pas non plus spoiler, je pense, tout le film, puisque pour ceux qui l'ont peut-être pas encore eu le temps de le regarder. Et ensuite, on finira avec une minute nerd. Donc ça devait être Eddie qui devait la faire, et c'est moi qui vais le remplacer. J'ai une petite idée, je suis pas sûr encore de ce que je vais faire, donc on verra bien quand ça arrivera, vous verrez de quoi je parlerai. Même moi je suis pas sûr à ce moment-là de savoir de quoi je vais parler plus tard, donc voilà. Sinon, ben voilà, je pense j'ai tout dit pour le sommaire, on va passer directement à la Select. Donc, on est à la première rubrique de ce podcast et on va vous Morgane va vous parler des temps modernes, mais je vais bien sûr intervenir puisque je suis un grand fan de Charlie Chaplin. Donc, Morgane, si, je t'en prie, parle-nous de ta découverte des temps modernes. Oui, et ma découverte de Charlie Chaplin en tant qu'acteur, parce que c'est vrai qu'un cinéphile qui n'a jamais vu un film de Charlie Chaplin et avec Charlie Chaplin, bien sûr, c'est pas bien. Voilà, j'avais envie de remédier à ça et j'ai longuement hésité. J'avais lancé un sondage sur Twitter parce que j'hésitais entre Les Temps Modernes et Le Kid. Je voulais mettre Le Dictateur dans les propositions, mais je savais qu'il allait faire toute la différence. Donc, c'est ça, ouais. J'ai préféré prendre. Voilà, et les votes ont parlé. Hein, et donc, c'est Les Temps Modernes que j'ai vu. Et ça a été une découverte, mais tellement énorme. J'ai eu un coup de foudre pour cet acteur-là. Bien sûr qu'il ne le connaît pas. On a tous déjà vu des extraits de ses films. Mais quand on voit un film, je vous assure que ça change tout. Parce que quand j'ai vu Les Temps Modernes, bien sûr, je connais la chanson. Je connaissais un peu la scène de la machine à faire manger qui est juste... Mais... dingue, mais je crois que j'ai hurlé de rire devant ma télé hier, vraiment on en était là, et je suis épaté de voir, et moi ça m'émeut parce que en tant que cinéphile, de voir que je suis touché en 2017 par un film qui a été fait, si je ne me trompe pas, en 1938 il me semble 1936, voilà. Donc je suis touché par ça fait, enfin voilà, touché par un film comme ça. Ce film m'a fait rire et j'ai était aussi frappé par son côté visionnaire, et ça je pense que c'est quelque chose qui est récurrent dans la filmo de Chaplin. Ce sont pas que des comédies un peu burlesques, c'est vraiment des films avec un fond. Je sais d'ailleurs que le discours de fin du dictateur, je pense que à l'époque, dans 50 ans, dans 1000 ans, dans 3000 ans, ce sera toujours un discours d'actualité. Et voilà, Chaplin arrive à, et très touchant, et c'est de voir comment cet homme-là a la capacité de faire rire sans la voix, mais juste par des mimiques, par des regards, par des mouvements de corps. Il y a vraiment c'est un espèce de je vais pas le comparer à Jim Carrey, mais vous voyez ce que fait Jim Carrey avec son corps, il arrive à gérer son corps, l'espace et tout. Chaplin, voilà, c'est ce qu'il arrive à faire dans des films qui sont d'une profondeur inouïe dans ce que ça traite. Là, effectivement, ça parle de la crise du chômage et tout, et c'est vraiment touchant de voir que ce film-là peut encore être et encore d'actualité. Enfin, moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, à part le côté noir et blanc et muet, mais ce film-là, mais voilà, il est moderne, quoi. C'est un film d'actualité, ouais, plus que jamais. C'est mais parler de la crise par le rire. Ouais. De la décadence de la société aussi, ah, oui. La modernisation à tout prix, et ça peut être, enfin c'est complètement d'actualité toujours aujourd'hui, hein. C'est de voir que Chaplin, voilà, était un visionnaire, quoi. C'est lui qui le réalise, hein, n'oublions pas, c'est lui qui je crois qu'il s'occupe des musiques aussi. Enfin, ouais. Voilà, quand on me disait Charlie Chaplin était un génie, je disais peut-être, mais j'ai pas encore vu. Là, honnêtement, en un film, je suis convaincu, quoi. Et puis, il est tellement touchant à regarder, quoi. C'est lui qui montait ses propres films. C'est lui, enfin, c'est multitâche, quoi. C'est vraiment, ouais, incroyable. Une découverte, mais j'ai hâte d'explorer la suite de sa filmo. Je pense pas que j'irai vers Le Dictateur tout de suite. Je pense que je vais attendre. Je pense que j'irai plutôt vers La Rue et vers l'Or, Le Kid, Les Lumières de la Ville, tout ça. Et que je terminerai par Le Dictateur, parce que je pense que le discours de fin du Dictateur peut être... Enfin voilà, que j'ai déjà vu, bien sûr, que je connais. Mm-hmm. Mais j'ai voilà, voir ces films en intégralité, de voir la mise en scène, la beauté. Il y a vraiment des plans qui sont magnifiques, quoi. Des plans des effets spéciaux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un montage qui circule sur Internet. Vous savez, la scène des rollers, là. On voit à un moment, ils tombent dans le vide. On voit que c'est du décor, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est un jeu de perspective absolument dingue. Et vraiment des idées visuelles qui sont réjouissantes, quoi. Quand ils passent dans la machine avec les roues, enfin, c'est un chef-d'œuvre de burlesque et d'amour, quoi. C'est ça qui transpire dans ce film-là, en tout cas. Et j'ai hâte de voir le reste de ces films pour voir si c'est dans la même lignée, et je pense que oui, voilà. Oui, clairement. Et j'ai adoré, ouais, ça, et voyez-le si vous, enfin, peut-être moi qui suis un peu retardataire, mais voyez-le, ceux qui n'ont pas encore vu des Chaplin, commencez par celui-là, honnêtement, moi c'est ce que j'ai fait, et c'est très bien. Et donc, j'espère que voilà, la suite de sa filmo va m'enchanter autant que Les Temps Modernes m'a enchanté. Et là, voilà, la scène de fin, hein, la musique, je vous la chanterai pas, mais je l'ai en tête depuis que je l'ai vue. Ouais, non, c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma, ça, c'est clair. Mais même ceux qui l'ont vu en étant gamin, etc., je pense qu'il faudrait le revoir, parce que on se souvient peut-être pas du génie de Chaplin au niveau de sa réalisation, au niveau de sa chorégraphie, de mise en scène. Enfin voilà, c'est tout transparaît dans ce film. Enfin, tout ce qui sort du film, c'est vraiment du génie. Et là, c'est Les Temps Modernes, c'est vraiment un excellent film. Je vous le conseille aussi, d'ailleurs. Moi, je l'ai revu, ouais, il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Et je revois assez souvent, parce que c'est un de mes films préférés aussi. Voilà, donc allez voir plus de Chaplin si vous n'en avez pas encore vu. Et puis voilà, je crois qu'on va passer à un autre film. On va passer à Split. Voilà. Je cherchais de quoi on devait parler. Donc, alors, ça c'est personnel, j'avais pas encore vu Split, et je n'avais pas non plus vu Unbreakable, qui, bon, maintenant c'est plus du secret, puisque ça a été dit et redit sur plusieurs sites, etc., que Split a des relations avec Unbreakable. Donc, et moi, j'avais beaucoup de soucis avec les films de M. Night Shyamalan. En tout cas, ceux que j'ai vus ne me plaisaient pas du tout. Et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes avec ce réalisateur. Donc je me suis dit, je vais tenter le film que tout le monde dit, c'était avant qu'il devienne ce qu'il était devenu, Unbreakable. Parce que je voulais aussi voir Split, qui apparemment était sa... renaissance totalement, mais vraiment, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai commencé Unbreakable. J'en parlerai très rapidement, mais je voulais pas parler d'Unbreakable. C'est un très bon film de super-héros. Le twist, puisque Shyamalan marche beaucoup avec des twists, est bien trouvé. On le voit pas trop venir, sauf sur la toute fin quand même. Dans les 5-10 minutes avant de révéler le twist, je commençais à me faire à l'idée que c'était possible. Je vais pas le dévoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais Unbreakable, c'est vraiment une super vision du film de super-héros, plus vraiment très ancré dans la réalité, et assez noir par certains aspects, concernant la scène par exemple dans la maison où il va sauver enfin il va sauver une famille, j'en dirai pas plus, mais une scène quand même assez dark. Voilà, donc le film est vraiment sympa, je vous conseille. Ça a commencé à me dire que M. Night Shyamalan pouvait faire des bons films. Moi, je te trouve trop gentil. C'est pour moi, Unbreakable, c'est pas que sympa. C'est pour moi peut-être le meilleur film de super-héros avec Spider-Man 2 de Sam Raimi. Quoi, je le Ouais, mets à ce j'irai même pas niveau-là. jusque... Même Ouais, si c'est non. pas, bon, si c'est pas du super-héros pur, mais dans son traitement mythologique, il est autant important qu'un Spider-Man 2 ou que même un Indestructible de Brad Bird, par exemple. Ce que ça dit des super-héros. Ouais, Voilà, oui, au c'est niveau de la mythologie, au niveau de la mythologie, évidemment, oui. ça le prend, enfin ça prend le mythe du super-héros très au sérieux. On le compare à des dieux grecs ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est très très sérieux. C'est pas du, je vais pas dire du Green Lantern, mais enfin voilà quoi. C'est vrai que son traitement des super-héros est assez sérieux. Et moi, j'irai pas jusqu'à le comparer à Spider-Man 2 parce que pour moi, c'est le plus grand film de super-héros jamais fait. À l'aise, totalement, je Ouais, suis d'accord. D'ailleurs, largement. le film a fêté ses 13 ans, Ouais. le 14 juillet. Voilà, Ouais, magnifique. regardez de nouveau Spider-Man 1 et 2 puisque c'est vraiment des très bons films. Et le 3, Le allez-y avec le 3, 3, voilà, allez-y. le 3, regardez-le aussi parce que il est critiqué injustement, je trouve. Il y a, Si il y a des tout, bonnes, il si y a des tous les bonnes idées. films de super-héros pouvaient avoir le tiers de la maîtrise et de la générosité de Spider-Man 3, je vous assure, on serait pas Ouais, malheureux. On serait pas clairement. en train de faire la fine bouche à chaque Marvel et DC Comics qui sort en disant ah, c'est trop comme ça, c'est comme ça, gna gna gna. On trouve toujours plein de choses à dire, mais je vous assure que Spider-Man 3 a beaucoup moins de défauts qu'on veut le faire croire. Ouais, clairement. Donc, Rémi, je je t'aime. re... C'est pareil. Du coup, tout ça pour dire que Unbreakable, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je me suis lancé confiant dans Split, sachant que Morgan avait vraiment adoré. Et justement, je me suis dit, c'est une bonne idée Ah puisque bah c'est pour l'instant mon film de l'année, hein, Split, hein. Je Ouais. n'ai pas vu un film plus fort. Ouais, et du coup, je me suis dit, bah, en même temps, comme Morgan n'a pas pu en parler, puisqu'on n'avait pas fait de podcast ce mois-ci, il me semble, quand il était sorti en février, donc du coup, on va pouvoir en parler là. Ça tombe bien. Donc voilà, Split, c'est réalisé et scénarisé par M. Night Shyamalan. On retrouve dans le rôle principal et dans les rôles principaux James McAvoy, on va dire, puisque c'est pas caché, hein, c'est dit dès la bande-annonce, c'est même dès l'affiche. Que James McAvoy qui joue, il joue un personnage qui a, Kevin. voilà, Kevin, de base, qui a 23 personnalités, donc qui est schizophrène en fait, et donc qui va, je sais pas si on va pouvoir le dire, je pense, parce que c'est quand même assez, ça vient assez vite, qui va enfermer trois jeunes filles. Dans son repère, dirons-nous, pour les, enfin, on sait pas vraiment pourquoi au début, et je vais pas dévoiler parce que c'est quand même, je pense que, enfin, la suite est importante et ne mérite pas d'être dévoilée. Donc voilà, ça c'est le prémisse du film. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, plus qu'Unbreakable, franchement. Je vous dirai pas en Moi quoi ils sont aussi, hein. reliés. Moi aussi, hein. Ouais, je vous dirai pas en quoi ils sont reliés parce que c'est carrément du spoil complet. Et bon, en même temps, quand on a vu Unbreakable, on s'imagine à peu près le genre de scène qui pourrait se faire entre ce film et Split. Donc voilà, je vous laisse ça à découvrir quand vous le verrez. Donc voilà, Split, c'est vraiment un très bon film réalisé. Ouais, pour moi, M. Night Shyamalan est vraiment revenu de ses cendres d'Avatar, Lady in the Water, etc. Enfin, vraiment des films qui sont Bah, il faut le dire, hein, des merdes, hein, vraiment des films insupportables Non, à mais je crois que regarder. le pire, c'est After Earth, hein. Je crois que c'est le Ouais, pire qu'il ait fait, After hein. Earth. Bon, Avatar pour moi, parce que j'adore la série télé, me fait beaucoup de mal, personnellement. Mais oui, After Earth, c'est vraiment un des pires étrons qui a pu être fait par quelqu'un, je crois, dans le cinéma américain. The Visit, j'avais pas vu. Apparemment, Ouais, il est pas mal. Ouais, il est pas commençait mal, un mais ça petit reste. peu à se racheter. Un petit peu, en matière de mise en scène, c'était pour moi le film qui, un des films qui exploitait le mieux le genre du found footage, mais en termes de scénario, j'étais déçu parce que j'ai grillé le twist au bout de 20 minutes. Ouais. J'ai compris direct. Ouais. Et bah, quand tu grilles le twist, enfin, Non, mais ça, dans le cas de Split, c'est impossible de deviner la fin. C'est impossible. ouais, Le mec qui clairement. devine la fin, qui m'explique qu'est-ce qu'il a mis sur la voie. Parce qu'honnêtement, voilà, c'est impossible. Ouais. Et puis la fin, enfin, on va pas dévoiler ce qui se passe, mais elle est assez ambiguë en fait. On sait pas vraiment ce qui va, enfin, comment on va finir ce film. On sait, enfin voilà, à chaque moment du film, on est dans l'attente de ce qui va se passer. On suit un peu l'histoire des trois jeunes filles, mais plus d'une seule qui est jouée par Anya Taylor-Joy et qui joue Casey Cook, Qui est excellente, hein, et qu'on avait ouais, vu qui dans est... le, pour moi, prétentieux et chiant The Witch. Je n'ai pas vu, Ah, mais c'était. J'ai trouvé ça horrible, hein, c'était. d'accord. Et. Ouais, non, non. Voilà. C'est un Elle peu est comme. là dans ce film, elle est Elle est excellente, excellente, hein, franchement. vraiment. Et on la verra de plus en plus, hein, c'est une actrice qui est de plus en plus demandée, et Split d'ailleurs a aidé à rebooster sa carrière, et ça fait vraiment plaisir. Oui, parce qu'elle jouait enfin, dans des films d'horreur un peu B, quoi. C'est pas, enfin, c'était pas des... Le The Witch, c'est pas un film d'horreur très sérieux, non? Si? Oh si, mais c'est Si? en plus The Ah. Witch, c'est même pas un film d'horreur, c'est vraiment des conditions horrifiques, c'est une ambiance. Enfin, les D'accord, ok. Télérama te dira que c'est le film qui fait le plus peur depuis machin, mais c'est même pas un film d'horreur. D'accord, Vraiment, ok. c'est ouais non, Ouais, non, c'est le Split faux fait film peur. d'horreur. Voilà. Ah Split Split, il fait fait peur. peur. Ah Split, oui carrément. Il fait vraiment peur. James McAvoy, mais quel acteur! Enfin, franchement, Il fallait le jouer faire, 20... hein. Enfin, on voit pas toutes ces 23 personnalités. On voit peut-être des bribes parfois de certaines personnalités. Il y en a certaines qui ressortent plus que d'autres. Mais vraiment, déjà, jouer 10 personnalités différentes dans un seul film, c'est déjà un accomplissement assez extraordinaire. Surtout qu'elles sont assez différentes. Enfin, c'est des personnages assez différents, chaque personnalité. Et voilà, jouer avec ça, c'est, enfin, faut le faire, quoi. Et donc James McAvoy, il y arrive à la perfection dans ce film. Et c'est lui qui porte vraiment le film, je trouve. Sans lui, ça aurait été compliqué de m'avoir, enfin, de me convaincre que ce mec avait 23 personnalités différentes. Enfin voilà, je trouve que le film repose beaucoup sur lui. M. Night Shyamalan, au niveau de la réalisation, très bon. Franchement, on retrouve un peu voilà, son inspiration de Unbreakable. Il y a des plans qui sont vraiment bien trouvés, et des jeux de lumière qui sont assez bien aussi, assez bien trouvés, je trouve. Que voilà, il arrive bien à jouer avec cette idée de personnalité. Enfin, Split cassé, quoi. Donc, une personne cassée par plusieurs personnalités. Je trouve qu'il y arrive très bien à re retranscrire ça via sa mise en scène et via sa lumière, justement. Donc voilà. Toi, tu voulais peut-être dire quelque chose sur le film aussi. Ah ben moi c'est clairement ce film a été un choc parce que je le trouve ambitieux et maîtrisé sur bien des points. Alors sur sa maîtrise, moi je dirais que ce sera déjà sa maîtrise au niveau de la lumière. Il y a un jeu de lumière dans ce film-là qui est absolument d'une précision et qui est très important d'ailleurs. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que chaque personnalité est distincte déjà. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réticentes en disant oui mais ils disent qu'il a 23 personnalités, on voit que 4-5 personnages. Ce qui est vrai, mais en même temps ça permet déjà de ne pas être perdu parce que chaque Oui. personnalité qui débarque, en un regard on sait qui c'est. C'est ça qui est épatant, Ouais, et qu'il arrive à jouer. Parce que jouer la schizophrénie, tu peux tomber, je pense, dans une espèce de caricature qui peut être un clairement, petit peu clairement. désagréable. Et là, on sent qu'il a bossé sur le truc. Et en plus de ça, ce que j'aime aussi dans ce film-là, c'est traiter la schizophrénie, mais pas d'un point de vue scientifique. Il y a un rapport à la. Enfin, est-ce que c'est un Ouais, spoil comme de si dire ça? Bah en fait non, c'est la psychiatre C'est la qui s'occupe psychiatre qui de... considère ça comme. En fait, il considère pas les schizophrènes. Et ça, je pense que c'est un discours de Shyamalan qui est pour moi intéressant et qui a matière à débat là-dessus. Et si les schizophrènes ne seraient pas des surhumains, finalement? Ouais, Et ouais. parce qu'ils ont la Si on capacité accède d'avoir. à des parties du cerveau que les humains normaux n'ont pas accès. Voilà, et je trouve que ce discours-là est vraiment passionnant et moi m'a donné à réfléchir. Donc à ce moment-là, j'ai compris que Shyamalan avait vraiment des choses à dire avec ce film-là et que la schizophrénie, c'était pas juste un ressort horrifique fait pour faire peur, mais qu'il y avait vraiment un discours humain derrière. Et ça, le film a séduit à ce niveau-là. Les acteurs sont monstrueux. Je trouve que James McAvoy livre pour moi la meilleure prestation de l'année. Enfin, c'est Pour bizarre, hein, l'instant, tout. C'est bizarre, les meilleurs acteurs, ils viennent tous d'X-Men. Fassbender, Ty Sheridan, James McAvoy. Et d'ici que Jennifer Lawrence fasse pas un Bon. chef-d'œuvre bientôt. Et en plus, ça va aller chez Tarantino bientôt, donc Ouais, attendez, je vous non le dis, mais ça va être pas mal. je Bon, pense que enfin enfin, il y quoique. a Alien Covenant qui est venu nous casser tout notre trip Pourquoi? avec Y a qui dans Covenant? Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est une broutille. Mais Ouais. voilà, donc j'ai trouvé Jack McAvoy absolument dingue. Et ce film-là, là où. Et là, je vais pas spoiler, même si on sait tous le lien avec. Le lien avec. Unbreakable. Incassable, je suis français Incassable, moi. oui, pardon. C'est vrai, je disais Unbreakable alors que Ouais, c'est t'as peut-être des Incassable. gens, t'as peut-être des incultes qui nous écoutent. Non, je Non, plaisante, je rigole, arrête. je rigole, je rigole. Le titre québécois de Split s'est divisé, voilà. Comme ça, on reste Oh là francophone. là là là, mon Dieu, les pauvres, va falloir en parler du Québec, ils vont pas bien. Ils ont déjà Xavier Dolan, les pauvres. Je plaisante aussi. J'aime beaucoup Xavier. Sauf quand il fait la VF de Valérian. Ouais. Je sais pas ce qui va être le pire, le film ou la VF. Enfin bref. Je ne sais plus ce que je vais dire. Oui, là où je trouve le film audacieux, c'est que je pense que faire un film comme ça, pour ceux qui l'ont vu, je vais parler à demi-mot. Quand on voit la fin de Split, la toute dernière scène qui en gros dit tout, sachez que cette scène-là n'a pas été montrée Ah dans les oui, projets tests. ouais. Shyamalan avait voulu vraiment, n'a pas axé la promo par rapport à cette scène-là. Qu'aurait pu, je pense, quand on voit ce qu'il est devenu en matière de recettes, parce que ses films marchaient moins en termes de notoriété, les gens qui le jugeaient, moi le premier, mort artistiquement. À ce moment-là, je me suis dit que c'est vraiment le film du mec qui se remet en question, qui redéfinit totalement son cinéma, sa perception des choses et même sa conception même des twists. Parce que c'est vrai que Shyamalan, avec Sixième Sens, a redéfini même le genre du twist. Et alors que Split, c'est pas un twist hein, finalement. Quand on regarde, Oui, à la non, fin, c'est c'est pas un différent. split. C'est pas un split. Lapsus révélateur. C'est. Oh mon Dieu! C'est horrible! C'est pas. C'est pas un. Pardon. C'est pas un twist, c'est un lien. Enfin, c'est une unification de quelque chose. Enfin, je trouve qu'il redéfinit le twist. Donc, il se renouvelle. Il renouvelle un ressort narratif qui était le sien, qu'il avait réussi à se réapproprier. Et c'est pour moi la définition même du film ambitieux, du gars qui. Surtout que s'il avait joué à la facilité, il aurait directement parlé de cette scène de fin en disant, bah, Split. Oui, clairement. Il Voilà. aurait pu faire toute sa promo là-dessus À aucun moment il et l'a fait. tout le monde aurait acheté son billet de cinéma pour aller le Pour voir. ça, alors que là il a joué la surprise, franchement je peux vous dire que quand la scène de fin est arrivée, j'ai commencé à me dire il y a un truc qui me perturbe. Et à la fin, les 5 dernières secondes, j'étais mais bluffé, je me suis dit non mais ce mec-là a eu pardon, les couilles de faire un film comme ça parce que avec sa notoriété qui était très bas, personne lui faisait confiance. Aujourd'hui, le film est enfin pas un record, mais c'est je crois que son plus je crois que sa plus grande recette dans sa carrière, ce film-là, et qui annonce évidemment une suite. Donc c'est le retour de Shyamalan, mais dans un film qui n'est même pas que bon, qui n'est même pas que potable, il est génial sur bien des points pour la mise en scène. J'ai retrouvé le Shyamalan ambigu Et même, je trouvais que le film, à la fin, partait dans une direction fantastique qui, moi, me perturbait. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Ouais, pourquoi ouais. on part vers là-dessus? Et en fait, quand on voit la fin, on comprend pourquoi. Mais en fait, donc, ça donne tout un... Moi, comme je savais qu'il y avait un lien avec Incassable, ça m'a pas dérangé, tu vois. Et je me suis pas posé la question, bah, pourquoi ça devient un peu surnaturel comme ça? Ça me paraissait ouais. logique. Ça me paraissait logique, C'est... moi pas du tout, Mais et c'est à oui, la fin mais quand je me c'est suis pour ça que dit je que... m'imaginais justement ceux qui ont vu le film sans rien savoir de tout ça, le choc que ça devait faire et se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais Voilà, pourquoi ça, pourquoi pourquoi il y a ça part. ça? Pourquoi il... Et à ce moment-là, je me suis dit, non, le film, là, ça régresse. Oh, non, pourquoi Ouais. il va là-dedans? Je commençais à moins aimer, je commençais à moins adhérer au truc. Et puis au final, quand tu vois la scène de fin, tu comprends toute l'ambition de ce mec-là et le courage. Pour moi, c'est vraiment un film courageux. C'est aussi... ça a été touchant de voir, je pense, que Shyamalan s'est remis en question. Et Ouais, clairement. si Tim Burton pouvait faire des films comme ça, bah, ce serait pas plus mal, quoi. Parce que Tim, c'est bien beau de faire du... C'était quoi son dernier film, d'ailleurs? Ah oui, Miss les... Peregrine. Voilà, c'est bien beau de faire du confort, c'est bien beau de faire du consensuel, mais il faut se remettre en question. Shyamalan l'a Oh, fait. il va faire Dumbo, Ah ouais, génial. Et je pense que quand t'as du talent, t'en as toujours. Et hein. Shyamalan, c'était impossible que son talent dépérisse. Qu'on aime ou pas son cinéma, hein, évidemment. Hein, je comprends qu'on n'aime pas trop, qu'on n'adhère pas. Enfin, moi, personnellement, Le Village, c'est un de mes films préférés au monde. Et Sing, surtout. Mais c'est vrai que ce film-là m'a bluffé parce que... Même indépendamment de ça, même parce qu'il y a plein de gens qui ont vu le film comme un pur film de genre, ça passe. Et en plus, là où il y a l'audace, c'est aussi dans cette fin, pas dans le twist, mais ce n'est pas un happy end, quoi. C'est anti-manichéen au possible Ouais, de clairement. terminer ce film-là par une note aussi tragique. Ouais, et puis on sait pas vraiment ce qui se passe pour enfin ça joue sur des regards en fait à la toute fin. Enfin à la fin avec Casey en fait. J'en Dans dirai la pas plus mais voiture, disons, on ouais, dans la s'entend bien, ouais. voiture, voilà. Enfin, si, dans la Ça joue voiture. clairement sur des regards et on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qui se passe après. Et ce qui s'est passé avant? Voilà, c'est J'essaie ça. de. Parce Ouais, que, y a voilà. quand même, enfin, y a quand même des indications sur ce qui se passe avant. Oui, mais on ne Un sait petit pas. peu, Alors, mais. si on parle de la même scène, si on parle du même truc, si on parle d'un des traumas de ce personnage-là, on ne sait pas si ça a continué pendant qu'elle a grandi. Ouais, c'est Si ça, voilà. j'essaye d'être. Voilà. Et à ce moment-là, je me dis, mais attends, en plus de ça. Et j'aimerais bien, à la limite, Axel, si tu le veux bien, faire une partie spoil parce que j'ai vraiment besoin d'en parler. Ok, Donc, ben ouais, on va faire une partie on va spoil. faire une Du coup, partie ben, spoil. ceux qui n'ont pas vu Ouais. Split, avancez. Je sais pas, on va peut-être parler pendant 5-6 minutes. Allez, on se met un cadre 5-6 minutes de spoil Ouais. sur Split. Donc voilà. À partir de maintenant, voilà. Voilà. Vas-y. Donc, 3, 2, 1. Voilà, je vais le Ouais, dire. Voilà, vous êtes sûr? Restez. Eh ben, je vous le dis. Split, c'est la suite d'Incassable. Voilà, à la fin, on voit Bruce Willis. Voilà, je vous le dis. Ah, si vous êtes toujours là, bien fait pour vous. Non, là où je trouve le film ambitieux, c'est que déjà, dans la carrière de Shyamalan, de faire un film comme ça, voilà, au vu d'état actuel de sa notoriété, il fallait oser. De ne pas jouer sur le côté, bah, c'est la suite. Enfin, c'est une suite, hein, clairement. Hein, c'est la suite d'un. Enfin, c'est un spin-off. Mais Ouais, c'est surtout. et même dans les crédits Et finaux, même. y a pas le nom de Bruce Willis, hein, Il n'y a dedans. pas le nom de Bruce Willis, il était Ouais. crédité dans aucun, enfin même avant que le film sorte et tout, c'était Ouais. une surprise de casting. Et même à la fin, parce qu'on entend la musique d'Incassable, et le lien a été. Et encore, moi quand j'ai entendu la musique, je me suis dit, mais pourquoi il réutilise sa propre musique? C'est bizarre. Puis à la fin, quand on voit Bruce Willis, j'ai compris, et je me suis dit, attends, là on est carrément dans un spin-off du point de vue du méchant. Donc en gros, ce film-là est une alternative à DC Comics et à Marvel. Il fait un Shyamalan Universe, quoi. Il fait sa franchise de super-héros. C'est ça, Et j'ai quand même l'impression qu'il met la nique à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a devancé, mais il est passé entre les mailles du filet. ouais. Bon, il a que 2 films pour l'instant. Ouais, mais t'as vu les Mais... monstres? Oui, Enfin, oui. franchement. Et je me dis qu'en termes d'ambition pure, c'est aussi de faire un film sur le spin-off d'un point de vue du méchant, mais un méchant qui est vraiment méchant. C'est pas Suicide Squad, quoi. C'est un Ah non, méchant clairement, qui c'est c'est une vraiment un salaud pourriture, c'est fini, un quoi, c'est... salaud qui tue tout le monde. Enfin, et voilà, quand il tue sa psy, mais c'est horrible. Ouais. Enfin, et à la fin, le méchant s'en sort. L'oncle pédophile qui violait Casey quand elle était petite, pour ça je disais, Ouais, est-ce c'est que ça a ça, ouais. continué et tout? On Il sait, vit ouais. avec elle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'édulcoré dans ce film-là. Donc c'est de l'audace, non seulement pour sa propre carrière, mais c'est aussi dans le décor américain. Je n'ai pas vu un film aussi sombre que ça depuis... sais pas moi. Ouais, c'est... Peut-être, je sais pas moi, les Batman de Nolan, allons-y. Enfin, je trouve ça dingue de faire ça, quoi. Et que ça marche en plus, ça c'est génial. Donc, j'attends de voir la suite. Et j'ai hâte. Ouais, bah moi aussi, du coup. Ouais, non, ce que je parlais, justement, le regard, c'était entre la policière et Casey, quand elle est dans la voiture, Casey est de police, et que la policière lui dit que son oncle est là pour la chercher. Et ça se finit sur un jeu de regard. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Enfin, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Ouais, et ça se finit comme ça. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On ne sait pas si le film prochain parlera de ce personnage ou s'il la laisse juste comme ça. Et ça, je trouve que c'est couillu de ne pas donner de réponse à ce genre de choses pour un personnage qu'on suit pendant quasiment tout le film. Même si c'est plus le film du méchant que de l'héroïne qui arrive à s'échapper, c'est quand même assez couillu de ne pas donner de réponse sur des choses aussi importantes. Est-ce qu'elle va retrouver cet oncle qui l'a violée quand elle était petite, ou est-ce que ça continuait quand elle était adolescente, etc. Et enfin voilà, pourquoi elle voulait tout le temps être seule. Voilà, il y a plein de questions qui sont restées sans réponse, et je trouve ça assez intéressant de la part de Shyamalan, parce que je trouve que Shyamalan était quelqu'un qui était... moi, ce qui me dérangeait le plus avec son cinéma, c'est qu'il était... il se regardait le nombril beaucoup. Ça, surtout pour Lady in the Water, qui est pour moi un de ses pires films, vraiment, avec After Earth. Parce que ça parle vraiment du mythe de l'écrivain un peu dieu, comme ça. C'est vraiment... Enfin, c'est très bizarre au niveau de... Enfin, il avait un ego démesuré pour moi dans ce film. Et je trouve que là, il arrive à se remettre un peu à sa place, comme tu as dit. Il se remet en question et il fait un film où il se met pas à la place de Dieu qui contrôle tous ces personnages, etc. Et ça, je trouve... Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce film et je crois qu'on a à peu près tout dit. Au niveau En termes de promesses pour la suite, moi honnêtement, déjà je trouve que ce qui manque dans les films de super-héros, parce que Split est un film de super-héros, clairement, enfin, c'est parce que c'est la suite d'Incassable, et Incassable est un film de super-héros, vu que c'était ça aussi le twist d'Incassable, c'était en gros qu'on était dans une histoire de super-héros. Donc déjà voilà. Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, Incassable, il voulait en faire une trilogie, il n'avait pas pu la faire. Donc 10 ans après, il revient, ouais, à peu près, enfin plus de 10 ans, après il revient pour... faire enfin la trilogie qu'il voulait. Je pense qu'on peut avoir une trilogie aussi importante que l'était celle de Sam Raimi avec ses Spider-Man, clairement. En termes de promesses, c'est surtout que moi je me suis dit, mais attends, dans les films de super-héros, ce que je reproche, y compris dans Spider-Man Homecoming, que j'aime beaucoup, mais on en parlera plus tard, c'est qu'on a des méchants tout pourris. On a des méchants qui ne sont pas méchants, des méchants qui n'ont aucune personnalité, aucune classe, aucune... Il n'en impose pas. Que là, il fait un spin-off de 2 heures sur le méchant qu'on verra dans la suite affrontant Bruce Willis, et on va retrouver Samuel L. Jackson. Je me dis, ok, il a compris. Déjà en termes de personnages, Split 2, blabla, n'est même pas sorti, que déjà on sait qu'en matière de personnages, on va avoir de la qualité déjà. En termes de promesses, et moi voir un film avec Bruce Willis et James McAvoy et Samuel L. Jackson qui se tapent à 3, mais je le signe, je le finance ce film. Vraiment. Oui, clairement. Voilà, je pense qu'on va pouvoir finir la partie spoil et passer à un autre film du coup. Donc voilà, fin de la partie spoil pour tous ceux qui reviennent, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir, si vous n'avez pas vu Incassable, regardez Incassable avant et ensuite regardez Split, parce que c'est vraiment un très très bon film de cette année. Et ce sera, de toute façon, je sais qu'il sera dans le top de Morgan. Moi, je verrai selon les films qui arrivent en 2017. Enfin, là, on arrive bientôt à la moitié de 2017. J'attends impatiemment de savoir ce qui va se passer durant cet été, parce qu'on n'est même pas au quart. On est au quart justement de cet été. Et ouais, je suis encore impatient de voir tous les films qui vont sortir. Donc, je ne me prononcerai pas sur s'il est dans mon top 10 ou pas encore. Mais en tout cas, c'est un très bon film que j'ai vraiment apprécié, voilà, et que je vous conseille. On va passer maintenant à quelque chose d'un peu moins joyeux pour toi, en tout cas, Morgan. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, le remake du remake de La Momie qui est sorti avec Tom Cruise. Reboot, disons, le reboot du remake. Voilà, le reboot du remake, enfin voilà, Le remake du reboot, le reboot du reboot du remake et le remake du reboot du remake. Voilà, du multiverse de Universal qui veut faire des univers avec ces monstres, qui est une très mauvaise idée, je trouve, enfin surtout comme c'est parti. Donc, toi, tu as vu la momie, tu étais confiant à la base d'aller voir la momie. Moi, personnellement, Mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et tu vas pouvoir nous en parler. alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que c'est la deuxième tentative pour Universal de faire leur ce qu'ils appellent le Dark Universe. Ouais. Ils avaient tenté en 2014 avec Dracula Untold, qui était le Dracula premier film qui avait Untold. tenté, voilà. Mais le film n'avait pas marché du tout, donc ils se sont dit bon bah tant Après, il y pis a on. Frankenstein aussi avec James McAvoy, justement. Non, il me semble qu'il Non. n'était pas celui-là. Non, non, c'était D'accord. Dracula Untold était la première tentative. Et voyant que le film ne marchait pas, ils ont dit tant pis, on annule, on fera ça plus tard. Et donc la momie est la deuxième tentative et le film n'a pas marché non plus. Donc je sais pas ce qui va advenir de ce Dark Universe qui pour moi démarre tellement mollement. Et là où j'étais confiant, c'est parce que moi, Tom Cruise dans un film de l'été, logiquement, enfin dans mes En dernier souvenir, c'était MI5, MI5, qui était quand Impossible. même la bonne nouvelle de l'été 2015, qui était quand même Ah, moisi clairement. Ah, clairement, comme c'était le pas deux. sauveur, le messie de l'été Mais oui. 2015, on s'en souvient. Et j'ai même envie de dire que ça va vous surprendre. Je suis fan de Tom Cruise, donc logiquement, je dois l'aimer. Mais pour moi, c'est une erreur de casting monumentale. Je ne comprends pas pourquoi il a été casté pour ce rôle. Ça ne lui va pas. Il n'est pas crédible. Il en fait trop. Bon, c'est du Tom Cruise, vous me direz. Mais Tom Cruise qui fait du Ethan Hunt dans la momie, ça va pas. Je trouvais que Brendan Fraser, d'ailleurs, je vais pas réhabiliter la momie parce que c'est un film qui est aimé, mais c'est quand même la momie de 99 est quand même un divertissement idéal. C'est de l'aventure et ça fait peur en plus. Je trouve que là, vraiment, il y a des images qui m'avaient terrorisé quand j'étais gamin. Donc c'est vraiment un divertissement idéal. Il y avait Rachel Weisz qui était voilà, qui a un second rôle, enfin le rôle féminin qui était absolument délicieux et super drôle. Là, je trouve que c'est noyé de CGI dégueulasse, mais vraiment, c'est horrible. Ce film est laid. C'est pas beau, il n'y a aucun rythme. Et pourtant, Dieu sait que Tom Cruise est énergique et il est toujours dans sa forme olympique. Et on voit qu'il fait ses cascades lui-même quand il saute d'un immeuble. On voit que c'est lui qui saute. Enfin, ok, d'accord, il y a le plaisir de voir Tom Cruise faire ses propres cascades. Mais à côté de ça, il n'y a rien. En termes d'univers, il n'y a pas de frisson. Sofia Boutella ou Boutella, je ne sais plus comment on dit, alias Gazelle dans Kingsman pour les puristes, bah, campe une momie qui n'est pas effrayante, c'est quand même assez ennuyeux, les rôles n'existent pas, le rôle féminin est nul, et il n'y a même pas de. Même le méchant, putain, Russell Crowe en méchant, faut se le farcir, c'est mauvais, il n'y a pas de rythme, c'est. Pour le coup, un film qui doit intégrer un univers doit avoir quelque chose. C'est juste un blockbuster totalement anodin qui propose rien et qui est has-been, quoi. On voit en termes de réal, il n'y a rien, c'est d'une platitude monumentale, il n'y a aucun rythme. Tom Cruise essaye de faire du Tom Cruise, mais il est bon. Enfin, c'est bizarre, normalement je devrais l'aimer parce qu'il fait ce qu'on attend, mais c'est tellement une erreur de casting que franchement je me suis emmerdé pendant 2 heures, quoi. Parce que ça dure 2h10 et c'est vraiment pénible à regarder. Tellement c'est moche, tellement c'est sans rythme et c'est sans intérêt, quoi. Et la 3D, oui, il me semble que c'est en 3D, je crois. Aucun intérêt, S'en quoi. souviendra. Ah non, j'en Ouais. souviens même plus, quoi. C'est vraiment une déception parce que j'attendais au moins un divertissement sympatoche. Ouais. Et non. Ok, Non, d'accord. j'ai pas eu ça. Ok. Donc, comme on parlait de split, on parle de rebondissement. Et ben, Eddie est apparu. Eddie est finalement était disponible pour faire le podcast. Donc on va, ben déjà on va te dire salut. Salut. Comment tu vas? Pas trop, mais on va tâcher de faire avec. D'accord. Ben, ouais, je sais que t'es un peu malade, donc ben, Ouais, voilà. on espère que tu vas tenir pour le podcast, mais c'est super que t'aies pu venir déjà. Mais vous C'est savez, tombé au dernier moment, non? est-ce que vous savez comment je vois l'apparition d'Eddie? Là, parce qu'on était tous les deux tranquilles et tout d'un coup, Eddie est apparu. Du coup, je me suis imaginé ça. Il est arrivé avec son bouclier et tout là. C'est tout à fait ça, ouais. C'était Batman et Superman qui avaient une conversation tranquille et puis. Bon, j'ai moins de charisme que Axel, ta Gadot, maman mais bon. s'appelle Martha? Non. Oh! Non, non, je suis désolé, il va falloir enlever le pic de. Donc, Voilà, donc Eddie est apparu. On va parler de Wonder Woman, du coup, justement, puisque Morgane a mis la musique. Belle transition. Donc, voilà. Donc, Wonder Woman, c'est un film réalisé par Patty Jenkins avec au scénario Alan Heinberg et Jeff Jones, qui est une légende de scénariste chez DC, donc, d'après une histoire de Zack Snyder, d'ailleurs. Enfin, c'est lui qui a pitché l'histoire, mais après, c'est eux qui ont fait le scénario. Donc, le film est sorti en France le 7 juin 2017. Et on retrouve au casting, enfin la distribution, Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston, David Telsuite, je sais pas comment on dit, Elena Anaya, Lucy Davis, Saïd Tegmaoui, oui, effectivement, Gamer, hein, ceux qui s'en souviennent, Morgan s'en souvient. Ewen, bah, Saïd Tegmaoui, c'est surtout un des c'est surtout César dans Lost, voilà. Voilà. Parce qu'il est dans Lost. Ouais, effectivement. Je n'ai pas vu Lost, donc je ne pouvais pas savoir. Mais voilà. Donc, nouveau film de DC. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Eddie, puisque comme on l'a pas entendu depuis 40 minutes, comme ça tu vas pouvoir nous donner ton avis en plus de ta critique que tu as fait sur Movies Nerd, que j'invite les gens à lire d'ailleurs. Ouais, alors moi j'ai trouvé ça très très bien. Voilà. j'ai vraiment trop chose à dire. Si, y a toujours des choses à dire sur un film DC. Ils sont tellement différents les uns des autres finalement. Ouais. Du coup c'est toujours intéressant. Moi j'ai trouvé ce qui m'a vraiment plu dans Wonder Woman, c'est que ça assume complètement son côté. Un peu manichéen et tout, et en fait c'est un film qui s'avère surtout très généreux, en plus d'être un bon film solo sur Wonder Woman. Ouais, clairement. Donc du clairement. Coup, parce qu'évidemment oui, c'est vrai que c'est il y a ce côté, c'est très humoristique en plus dans le film, où elle découvre un peu le monde moderne et tout, et elle comprend pas, enfin il y a beaucoup de... choses qui fonctionnent, ouais, les anachronismes, les choses. C'est comme un peu ça. Comme Thor, Thor quand dans le premier en fait, c'est quand un il peu découvre dans le, même le style. Voilà, quand il découvre le monde des humains, et même un peu dans Avengers d'ailleurs, quand il découvre un peu la manière des humains d'interagir entre eux, etc. Ouais, c'est voilà. Un peu le même style d'humour, mais c'est, je trouve que c'est encore mieux fait dans Wonder Woman. C'est plus fin, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que dans Thor, c'était un peu lourd en fait. Oui, c'est et, clair. Dans le premier en tout cas. Et là, c'est un petit peu plus fin. Et puis, au-delà de ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement tout le côté que moi je redoutais avec les Amazones et tout, la mythologie et tout. Ouais. Et je trouve que c'est bien amené, c'est intéressant. Et de toute façon, les parties les plus intéressantes, c'est le début et la fin, vraiment. Le No Man's Land et tout. Et puis toute la partie sur l'île des Amazones. Ouais. Et sinon, voilà quoi. Après, Gal Gadot, elle est très bien en Wonder Woman. C'était déjà le cas dans Batman v Superman. Oui. Je trouve que ça lui va très bien. Il y en a qui trouvent qu'elle est fade. Ah bon? Ouais, moi je trouve pas justement. Non, elle, non. Elle a une Wonder Woman bien à elle, quoi. Donc, non, c'est assez. C'est un film assez réjouissant en fait pour le DC Universe parce que du coup. C'est au moins un film qui met à peu près tout le monde d'accord. Oui, clairement. Qui divise quand même moins, et ça montre aussi qu'ils sont capables de faire des films, oui, comme ça, qui mettent tout le monde d'accord, quoi. Ouais, c'est mais... vrai que les autres étaient très particuliers, surtout Batman v Superman. Ouais, qui, du coup, ne s'appréciaient que dans la version longue, enfin, pour moi, en tout cas. Alors que là, version ciné, déjà, c'est très bien, quoi. Ouais, clairement. C'est, y a pas, enfin, on voit pas vraiment là où une version longue pourrait améliorer ce film, en fait. Je vois pas. Y a pas besoin. Alors, oui, et même pour Batman v Superman, même moi qui avais aimé la version ciné, je voyais en quoi une version longue pouvait éclaircir certains éléments de l'histoire, en tout cas. Donc, même si je l'ai toujours pas vu d'ailleurs la version spéciale, je m'en tiens à mon avis. Elle est très très bien. Ouais, je sais, mais c'est. Enfin, moi, pour moi, c'était. Enfin, je peux pas revoir la version ciné. Enfin, il y a trop de trous dans la version ciné en fait. Quand tu connais pas du tout l'univers de DC, ouais. Du coup, c'est assez blanc. Problématique. Ouais, c'est ça. Il y a trop de blanc en fait. Et ouais. quand t'as pas les références, ben t'es un peu largué, alors que là, c'est vrai qu'elle comblait bien tous les problèmes. Mais Wonder Woman, du coup, ça va, en fait. L'histoire en elle-même, le scénario est déjà très accessible. Ouais, ça veut pas dire qu'il est nul, hein, mais il est facile d'accès et il est simple, en fait, à aborder. Oui, clairement. Voilà. Morgane, du coup. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça a été une grosse, grosse surprise. alors, avant toute chose, je sais pas si je vais avoir grand chose à en dire parce que ça fait partie de ces films que j'ai adoré sur le coup, mais qui j'ai dormi depuis, donc il sera peut-être pas dans mon top de l'année, mais en tout cas sur le coup je l'ai énormément apprécié et franchement c'était pas gagné parce que c'est pas du tout mon style d'univers. Voilà, ce genre, le côté Amazon, tout ça. Vu, j'étais persuadé que t'allais détester. Ah ouais, mais moi aussi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais persuadé que j'allais détester. Enfin voilà, moi, tout ce qui est ce genre d'univers, vous savez, avec. Comment je vais dire ça? Non, c'est pas Peplum, mais un peu, ouais, Heroic Fantasy, machin, tout ça. Enfin, comprenez d'ailleurs que j'en ai rien à branler de Game of Thrones qui revient demain. Voilà. Mais, totalement, d'ailleurs, ceux qui m'embêtent, sachez que j'ai été voir tous les spoilers et je vous lâche des spoilers si vous me taquinez. Voilà, je vous le dis. Voilà. Non, mais je vous le dis, je vous menace. Non, mais. non, voilà, donc j'ai été vraiment surpris déjà par la qualité esthétique du film. J'ai été frappé dès le début. J'ai trouvé qu'il y avait des plans larges qui étaient magnifiques. Et c'est surtout en matière de narration, c'est une origin story, j'ai pas envie de dire classique, mais en tout cas qui remplit parfaitement son cahier des charges, qui présente une héroïne que je trouve très charismatique, Gal Gadot que j'avais beaucoup, enfin pas que j'avais beaucoup aimé, mais je l'avais trouvée très prometteuse dans BVS. Là je trouve qu'elle a vraiment, elle apporte à son personnage une vraie personnalité, un vrai charisme. Sans jamais tomber dans le ridicule ni dans le niais. D'ailleurs, je la trouve très attachante quand elle débarque dans l'époque moderne, on va dire. Voilà, ce côté un peu ces petits gags sur l'anachronisme du truc et tout. Enfin, je trouve qu'elle est très attachante. Elle lui donne beaucoup de personnalité, beaucoup de charme. Chris Pine est correct, mais désolé, vous avez peut-être entendu un petit truc, c'est mon PC qui me met toujours des notifs, et c'est un peu chiant. En termes de rythme, c'est vraiment très beau, il y a des moments... très bon, pardon. Il y a des moments, des plans iconiques qui, pour moi, sont dus à une réalisation que je trouve maîtrisée. Et est-ce que le fait que ce soit Patty Jenkins, donc une femme, qui réalise ce film-là, est-ce que finalement, c'est pas ça qui lui donne tout son charme, parce qu'il y a un vrai amour pour son héroïne. C'est quelque chose qu'on voit peu au cinéma, finalement. Une héroïne à la fois badass, déterminée, puis d'ailleurs qui n'est pas que badass, hein, quand même. Elle est extrêmement touchante. Hein. Et c'est vraiment à ça que je m'attendais absolument pas. Je m'attendais juste à ce que ce soit une guerrière qui fasse des pirouettes. Et puis que, voilà. En fait, non, pas du tout. Je trouve que Patty Jenkins lui donne une vraie personnalité, beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humanité aussi. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. Et à côté de ça, la réalisation est très bonne. Il y a des scènes qui sont bien rythmées, bien foutues. Il y a des beaux plans et vraiment des plans iconiques. Enfin, moi, les frissons quand on la voit débarquer. Enfin, la scène où elle va sur les tranchées, c'est ça. Enfin, ouais, c'est juste magnifique. No Man's Land, incroyable. Je trouve que c'est un plan iconique dont j'avais besoin pour vraiment adhérer totalement à ce personnage-là. À tel point que ça me fait attendre Justice League, pardon. Parlons pas de malheur. Justice League, parce que j'ai envie de revoir ce personnage là parce que on me l'a présenté, on m'a présenté ce qu'elle était, ses faiblesses, ses failles, c'est tout ce que j'aime dans une origin story, et je trouvais que jusqu'à présent il n'y arrivait pas vraiment chez DC, parce que Man of Steel c'était très laborieux, mais là du coup grâce à elle j'ai envie d'attendre Justice League, parce que je trouve que puis c'est un beau spectacle, quoi. C'est généreux, maîtrisé, et la réalisation avec la patte féminine, j'ai envie de dire, pour moi, fait la différence. Je pense pas que si ça avait été un homme, on aurait eu un film avec autant de passion et voilà. J'ai pas envie de tomber dans un espèce de sexisme inversé, mais je pense que si ça avait été David Ayer, par exemple, on n'aurait pas eu ça. Donc ouais. Là, je trouve que la réalisation. Après, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est réalisé par une femme et que ça met en scène une héroïne féminine, le film est pourtant pas à fond dans le féminisme non plus. C'est pas militant. Voilà, totalement. Après, c'est bien de l'être un petit peu, mais faut pas trop être extrême non plus. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un bon équilibre à ce niveau-là. Et ça fait plaisir de voir une héroïne, parce que chez DC, enfin les héroïnes féminines, on a eu quoi ? On a eu Catwoman et et bon, et Elektra chez Marvel, on peut pas dire que ce soit des grands films. Donc là, on, même en termes de pur divertissement, pur spectacle, je trouve que ça remplit bien le cahier des charges. Et franchement, j'ai passé un agréable moment. Très surprenant d'ailleurs. Je m'y attendais vraiment pas. Ouais. Bah oui, moi non plus. En fait, c'est quand je parlais de Suicide Squad, justement, je disais ouais. En fait, c'est toujours 1-0. C'est binaire chez DC. C'est Man of Steel, c'est 0. Batman v Superman, c'est 1. Suicide Squad, c'est 0. Et du coup, j'attendais Wonder Woman. Peut-être que peut-être qu'ils allaient briser la chaîne et que ça allait de nouveau être 1-0. Parce que franchement, en voyant le bon annonce, je sentais le malheur. Et après tous les bons retours qu'il y a eu, moi je l'ai vu un peu tard, je l'ai vu, je crois, un mois après sa sortie. Du coup, j'y suis allé avec beaucoup d'enthousiasme, puisque vu tout le monde avait apprécié. Je me suis dit bon bah c'est bon, c'est le bon film, enfin ça va être très bon, et effectivement c'est un très bon film de super-héros. C'est vraiment il est aussi, enfin quand je suis sorti de la salle, je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de super-héros. Bon, il y avait Gardien de la Galaxie volume 2 qui est sorti, mais on pourrait dire que c'est pas vraiment un film de super-héros, c'est une comédie. Plus, voilà, c'est ça, c'est un film vraiment un film de super-héros sérieux, bien fait. Ça faisait très long, aussi bien fait. Moi, je le trouve meilleur que Batman v Superman d'ailleurs, Wonder Woman. En tout cas, pour sa version ciné, et après, j'ai pas vu la version spéciale. C'est ça, je trouve que le produit fini est plus intéressant. Ouais. Pour Wonder Woman, je le trouve meilleur que Batman v Superman, et je me suis dit mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu un aussi bon film de super-héros qui est sérieux, mais qui a ses moments drôles aussi et ses moments d'émotion qui sont sincères. Voilà, donc pour moi le film réussit sur beaucoup de points. La réalisation est très belle, etc. Il y a peut-être j'ai peut-être des petits soucis avec des plans un peu trop numériques sur l'île par exemple, où on sent le fond vert parfois, on sent que c'est trop léché parfois sur certains plans, mais après on peut pas leur en vouloir, ils pouvaient pas trouver une île aussi belle comme ça aujourd'hui. Pourtant, à mon avis, il y a beaucoup de choses tournées en décor naturel. Mais... Oui, mais il y a certains plans, par exemple la scène où toutes les Amazones s'entraînent sur le camp, il y a des plans des arrière-plans qui sont vraiment pas super bien faits, je trouve, qui ça sent trop le numérique, et au contraire il y a des super, enfin toute la partie première guerre mondiale, etc., ça sent vraiment le réel, ça sent et je suis sûr qu'il y a plein de fonds verts là aussi, mais voilà, c'est du hit and miss, donc c'est parfois réussi, parfois pas. Mais sinon, c'est le seul gros souci pour moi au niveau de la réalisation, qui est très joli. J'avais peur aussi au niveau des ralentis. Je sentais trop la patte Zack Snyder sur ce point-là. Et finalement, ils se font pas trop sentir. Et ils sont là quand c'est nécessaire, et ça fonctionne plutôt bien. Donc, c'est ça en fait, un ralenti n'est pas gênant à partir du moment où ils sont bien dans la mise en scène nécessaire. Ils subliment l'action. Quoi. C'est ça. Moi j'avais peur que ce soit pas nécessaire comme sur certains films de Zack Snyder par exemple. Et là franchement c'est parfait. Voilà, toute la scène où elle va sur le No Man's Land, etc., c'est aussi très iconique, très... Enfin voilà, j'ai vraiment... beaucoup apprécié, les acteurs sont très très bons. Mais en même temps, c'était important, je pense, aussi d'iconiser ce personnage-là. Oui, clairement, parce que on la voit combattre peut-être une dizaine de minutes encore et encore dans Batman v Superman, mais on la voit pas non plus énormément. On la voit plus en dehors de son costume. Il doit être plus long l'affrontement à la fin de Batman v Superman. Il doit être plus long dans la version longue. Ok, d'accord. Mais il est pas pareil au niveau de la mise en scène en tout cas. Ok, d'accord. En tout cas, on la voit en plus en dehors de son costume qu'avec son costume dans Batman v Superman. Oui. Et du coup, là, c'était vraiment nécessaire de... Et puis, cette histoire d'origine story avec... on va pas spoiler, mais elle perd des gens, etc. C'est pas tout beau, etc. Et ça permet de vraiment planter le personnage et de se faire une idée de ce qu'elle a en tête au moment où Justice League va se passer, justement, puisque le film s'arrête là où, je pense, Bruce Wayne va la chercher, etc. La toute fin, le plan de toute fin, il est un peu Bah de toute façon, sans spoiler, on peut dire que Wonder Woman, le début du film, commence après Batman v Superman. Oui, clairement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, elle est à Paris, dans le Louvre. Donc, ouais, mais pour moi, ouais, il y a juste le plan de toute fin là où elle saute, je dirais pas plus, où elle regarde directement dans la caméra, elle saute comme ça. Ça fait un peu trop. Bon, c'est sûr, c'est un film de super-héros, mais là, c'était un peu trop. Ça pointait vers le Gardien de la Galaxie, quoi, vraiment l'humour comme ça, enfin plus pulp que réaliste. Mais en tout cas, voilà, c'est des petits soucis. Je cherche la petite bête pour embêter, mais sinon, le film est très bon, franchement, allez le voir, puisqu'il est encore au cinéma. Si vous ne l'avez pas encore vu, je voulais parler rapidement des autres acteurs. Donc, Chris Pine, moi, je l'ai trouvé très bon, très touchant. Dans son personnage, Très drôle aussi. Très drôle aussi. C'est vraiment un peu, il reprend un peu, bon, il fait son Chris Pine quoi, et donc il fait son Captain Kirk, il fait son, voilà, il a cet humour un peu spécifique et il le garde dans le film. Je pense qu'ils ont vraiment écrit le personnage autour de l'acteur et pas, enfin, ouais. voilà, c'est et Mais il est ça arrivé fonctionne très très bien. tôt aussi dans le choix de casting. Ouais, Donc, ouais, ouais. Donc ça fonctionne très bien justement. et c'est ça qui est intéressant, c'est que même pour quelqu'un qui est fan de la mythologie grecque et pas forcément de DC Comics, c'est que du coup, la mythologie grecque à la sauce DC Comics a du sens. Ouais, clairement. Et c'est ça qui est cool parce que du coup, sinon tu peux te dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, et tout. Alors que moi, dans Thor, c'est ce qui m'a, j'ai mis du temps avant d'accepter la vision qu'ils avaient De la mythologie nordique, ouais. c'est ça, ouais. Mm-mm. Et parce que la mythologie scandinave, c'est bien sûr que c'est assez proche, parce que ben, Les mythes sont un Marvel peu près, ouais. s'inspire de la mythologie scandinave, bien sûr. Mais il y a quand même des grosses, grosses différences. Et c'est vrai que moi j'ai mis du temps à accepter ça, alors que là je sais que ça va, quoi. Ouais, mais clairement. Et puis, enfin, toute cette histoire au niveau de, voilà, avec toute la mythologie grecque, toute cette culture derrière, ça apporte quelque chose de plus au film. Et ça lui, en fait, je pense que ça permet justement aux gens qui sont pas, comme tu disais, pas habitués à DC Comics ou pas habitués aux super-héros, tout le monde sait qui est Zeus, tout le monde sait à peu près qui est Arès. Enfin voilà, et ça permet d'ancrer ça dans une histoire millénaire et du coup ça permet à tout le monde de rentrer dedans quoi. C'est ce Et qui est intéressant aussi, c'est que du coup, la Seconde Guerre mondiale, elle est la, présentée comme un la, la, c'est la antagoniste. première. Oui, c'est la Ouais, première, c'est la pardon. première. Elle est présentée comme un antagoniste et pas juste comme un événement, en fait. Ouais, elle pense que en tuant Arès, donc qui est le dieu de la guerre, elle pourra arrêter la Première Guerre mondiale. Voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, certains personnages ne la croient pas, enfin, ils rigolent de ça. Et au fur et à mesure, enfin, ils arrivent à se faire convaincre, etc. Et c'est assez intéressant, je trouve, ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi l'antagoniste. Enfin, il y a deux antagonistes dans le film. Il y a Arès. D'ailleurs, le twist concernant la personne qui est Arès, je trouvais ça intéressant. Et je ne l'ai pas vu venir. La personne qui incarnait véritablement Arès. Et aussi Elena Anaya, qui est l'actrice qui joue Isabelle Dr. Poison Maru, qui est Qui est une vraie personne, hein, Oui, normalement. il me semble, oui, qui est une scientifique spécialiste en chimie et créatrice de poison, justement, puisque la Première Guerre mondiale a été dévastatrice au niveau de tout ça, au niveau enfin, des armes chimiques. Et du coup, je trouve que le fait d'avoir deux antagonistes qui se complètent, mais en même temps qui se rencontrent pas vraiment, ça permet de faire quelque chose d'assez inédit au niveau du film de super-héros. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, je vous le conseille énormément. Est-ce que Et quelque puis chose. après, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, en fait, le fait qu'elles se battent pendant la Grande Guerre, c'est que du coup, ça remet aussi en question tout ce dont pourquoi elle a été élevée. Normalement, elle est élevée pour défendre les hommes, en fait. Oui, Et clairement. là, elle se remet vraiment en question quant au fait de savoir si elle doit défendre les hommes alors qu'ils sont en train de s'autodétruire et tout ça. Donc, j'ai trouvé que ça c'était bien amené Oui, aussi. les thématiques dans le film sont vraiment très bien amenées et très bien travaillées. Donc, ouais. Moi, voilà, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on a tous bien aimé. Donc, voilà. Morgane, tu as quelque chose à rajouter ou on passe à la Non, suite? moi j'en ai rajouté, on peut rajouter. On on peut peut passer. Oh là là. passer. Eh ben, tu vas pouvoir passer avec le manoir. Tu vas me parler du manoir. Parlons du manoir. Et j'en parle parce que non pas que le film soit bon, non pas que le film soit une merde, j'avais juste envie de réhabiliter les choses. Parce que je trouve qu'il y a eu, comme d'habitude hein, en France quand on tente de faire des comédies, encore une fois, on tente de je trouve de, on refuse de donner la chance aux gens de tester. On enferme les films avant, on les enterre avant qu'ils sortent, on les critique avant de les voir, on ne donne même pas du crédit à des gens qui ont envie d'essayer. Et il se trouve que je suis allé le voir le film en me disant, bon bah de base mon humour c'est pas totalement YouTube, j'aime beaucoup Natou. Mais après, Mister V, c'est pas du tout ma came, que Mar encore moins. Donc, j'y suis allé quand même parce que j'avais été un peu convaincu par la promo. Ils étaient allés chez Ardisson et ils avaient bien précisé que c'était pas une comédie à la Scary Movie, qu'il y avait vraiment une vraie dimension de genre dans le film et qu'il y avait une vraie violence esthétique. Et pour le coup, ils avaient raison, ils ont pas menti. Donc, ça fait quand même plaisir de les voir très honnêtes. Donc, c'est un premier film qui, effectivement, il y a du pastiche. Hein, on parle quand même d'une histoire de manoir hanté. C'est un groupe de jeunes qui vont passer la nuit du réveillon du 31 dans un manoir et ils vont tous être confrontés à des apparitions surnaturelles et voir des morts. Parce qu'il y a des morts dans ce film-là. Il y a des youtubeurs qui meurent face caméra de façon assez violente. Et je trouve que voilà, rien que ce détail-là, je ne peux absolument pas dire que le film est une Enfin, daube commerciale. Voilà, ça, rien que cette idée-là, je la réfute. Après que le film soit bon ou pas, c'est autre chose, et je vais en parler après. Tu voulais dire? Non, je voulais juste dire, tu disais des youtubeurs meurent à l'écran. Ils jouent pas des youtubeurs, hein, non, c'est enfin ils jouent des Non, personnages. non, non, Ouais, non, ouais. non, non, mais parce que le. Non, non, mais parce que. Oui, ce sont des personnages. Oui. Mais bon, ça fait. Il y a des petits clins d'œil à leur propre vie. D'accord, ok. Natou se balade avec ses deux chiens dans ce film-là, et ce sont ses vrais chiens dans la vie. D'accord, Bon. ok. Mais ce sont des personnages. C'est un film avec un vrai scénario, avec des vrais personnages, des enjeux, une ambiance. Et d'ailleurs, je trouve qu'en termes de réalisation, eh ben, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est ça qui m'a un peu surpris dans le film, là où effectivement, et l'affiche vend ça, et peut-être le trailer aussi, vend un espèce de produit marketing bien Mais huilé l'affiche pour... est vraiment dégueulasse, hein, pour le coup. L'affiche est pas bonne, elle rend pas du tout hommage au film là, mais après, le simple fait de voir un youtubeur à l'affiche suffit pour que les gens, ça y est, tout de suite, c'est une merde. Et moi, je pense qu'il faut vraiment donner du crédit, tout le monde a le droit à sa chance. Si c'est mauvais, mais si c'est bon, c'est bon, et il y a vraiment des bonnes choses. À commencer, en termes d'humour, j'avoue, au début, j'étais un peu sceptique parce que je trouve qu'en termes de jeu, Natou, hein, c'est la première, enfin, premier personnage important qu'on voit, je trouve qu'elle jouait comme elle joue devant sa caméra. Et je trouve que bah, au cinéma et sur YouTube, c'est pas encore pareil. Bah non. Mais après, je trouve que ça s'améliore dès l'instant où la partie comique, qui est un peu inégale, il y a des choses qui m'ont fait rire, d'autres moins. Enfin, par exemple, je vais porter un toast et Mister V dit non, moi je porte du pain de mie. Ça, c'est mon humour, si vous voulez. Donc, si vous voulez, je rigole. Après, il y a des choses qui me font un peu moins rigoler. Le film part un petit peu parfois dans un côté un peu borderline enfin, qui me déconcerte un peu. Mais dès l'instant où la partie horrifique, mais vraiment, hein, c'est vraiment violent, c'est de l'horreur, arrive à la moitié, bah, je trouve que. Ça donne l'occasion au réalisateur, dont c'est le premier film, d'amener des idées de mise en scène qui sont plutôt bien foutues, d'amener un climat horrifique qui est extrêmement bien géré, et à côté de ça, les acteurs gagnent énormément en justesse. Et à la fin, quand je suis sorti du film, je me suis dit que on n'atteignait pas la virtuosité d'un Sam Raimi pour Evil Dead 2, donc parce que Attends, c'est tu mets ça par voilà, rapport à... Enfin, évidemment, bah, par rapport au mélange comédie horrifique, ouais. mais je trouve qu'il y a un gros potentiel en matière de réalisation, en matière de dialogue, parce qu'il y a des dialogues qui sont pas forcément dégueulasses, et en matière de mise en scène et de jeu. Voilà, le jeu, je trouve qu'ils sont tous prometteurs. Bon, Mister V, je l'ai pas trouvé très très juste parce que finalement, lui, il est dans l'archétype. C'est vraiment le personnage qu'il joue en permanence. Mais Natou, Alors elle, c'est vraiment mon coup de cœur de ce film-là. Je trouve qu'elle est épatante et qu'elle prend un risque énorme parce qu'on le sait tous, déjà le film est interdit aux moins de 12 ans, sachez-le, hein. On sait tous que le public qui ira voir ça, ceux qui ont 13-14 ans, ce sont ceux qui regardent ces vidéos. C'est normal parce que ça vise aussi son public. Mais je pense que, en tout cas dans les 20 dernières minutes, elle bascule totalement vers un jeu. Enfin, son personnage devient complètement névrosé et fou et d'une violence extrême. Et je trouve que jouer ça pour un premier essai, c'est à la fois une prise de risque pour son image, parce que bah oui, son public est jeune, mais je trouve que elle nous prend de court. Enfin, moi, elle m'a pris de court. Je me suis dit, mais elle a accepté de jouer ça. C'est quand même extrêmement violent un rôle comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le film, c'était, il y avait beaucoup plus commercial à faire. Et j'avoue que je défends le film pas pour ses vraies raisons cinématographiques, même s'il y a des choses très intéressantes. Pour tout dire, je l'ai noté 2 sur 5 parce que c'est parfois laborieux, mais il y a des bonnes choses. Mais c'est aussi Oui, parce qu'il y un a un phénomène qui. bashing. Parce qu'il y a un bashing avant. Que le film soit pas bon, voyez-le et dites que c'est pas bon, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire c'est mauvais, c'est des youtubeurs, mais non, enfin je veux dire, Fabrice Luchini était coiffeur avant d'être acteur, Harrison Ford n'était pas acteur non plus, il y a plein d'acteurs. Charpentier, ouais. Il était charpentier, et encore une fois, ils vont dire, oui, mais tu mets Harrison Ford, même dire, il n'en a tout. Pas du tout, je dis juste que tout le monde a sa chance. Voilà, les Inconnus, c'était ils faisaient pareil, avant de faire Les Trois Frères, ils n'étaient pas. C'était juste des comédiens, enfin des humoristes. Il y en a plein, Docone et Garcia, c'est pareil. Je veux dire. Tout le monde a sa chance. Voilà, moi j'ai envie de donner la chance à tout le monde. Je vais faire un peu mon Patrick Sébastien parce que j'ai horreur du bashing. Tout le monde a Oh, sa c'est chance. génial. Mais eux, c'est génial. Mais le film est inégal. Le film est bourré de défauts et c'est pas un film que je reverrai, même si c'est un film que je trouve assez intéressant à regarder parce qu'il est assez surprenant dans ce qu'il propose. Parce que c'est pas une comédie, c'est pas la comédie populaire qui vise les jeunes qui sont fans de YouTube, mais loin de là. Ouais. Ça a une ambition qui est autre, qui est un peu, enfin qu'on ne voit pas venir, enfin qu'on peut pas déceler en regardant l'affiche, en voyant la bande-annonce. Mais en tout cas, je pense que tout le monde a sa chance. Et à l'arrivée, je me suis dit, bah Natou, elle est très bonne. J'ai envie de la revoir dans d'autres rôles parce que, voilà, je pense pas que YouTube ce soit un nid à rater, un nid parce Non mais que bah, clairement, attends. YouTube, ça demande Non quand mais même un travail c'est comme si d'écriture. tu disais la télé c'est un nid à rater. Enfin, c'est un média. Tu peux pas comparer un média à des chaînes Ouais, mais spécifiques, tu vois. oui, le problème il est là, c'est que YouTube c'est le mal. Alors oui, effectivement, j'étais totalement révulsé à l'époque où Squeezie avait eu les droits de faire du doublage pour Ratchet et Clank, ou même sur Bob l'éponge. Oui, il y a des parce que Squeezie n'est pas acteur, donc à la limite, surtout pour faire du doublage, il faut être acteur de base. Par contre, si Squeezie un jour tourne dans un film, bah, j'irai le voir. S'il est bon, bah, je le dirai. S'il est pas bon, je le dirai aussi. Voilà, dans le cas de Natou, je la trouve bonne. Kemar, je trouve qu'il surjoue pas mal. Mister V, je suis moins fan. Ludo, il est excellent. Il y a des voilà. Il y a des bonnes choses dans le film là et je pense que c'est pas bien de toujours enterrer les films avant qu'ils sortent quoi. Enfin, je pense que c'est aussi la popularité qui fait que, enfin, là, Kev Adams, je pense qu'il va pas tarder à sortir un film et on va avoir le droit au même refrain. Mais il fait pas un univers lui aussi avec le Cendrillon là? Ouais, mais il est pas dedans, lui. C'est Cendrillon, c'est le même studio. Bon, ça a pas l'air. Bon, j'avoue, le trailer de Cendrillon, j'ai pas, j'ai ri. Ah, ouais. Mais bon, c'est bah, Josiane Balasco en belle-mère de Cendrillon qui met un coup de boule, moi ça me fait rire quoi. Je trouve l'idée, voilà. Après Arnaud Ducré, je suis moins fan. Mais il y a des gros parasites hein, dans les comédies françaises. Il y en a plein. Là, exemple récent, Philippe Lachaud qui va Non, réaliser Nicky on en parlera Larson. dans Parlons Cinéma, ça, parce que. On en parlera, mais encore une fois, il y a eu des réactions, mais j'ai envie de dire, stoppez quoi, c'est nul d'être comme ça, je comprends pas ce bashing, et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que j'ai beaucoup sur Twitter des personnes qui bashent en permanence d'autres ces films-là, qui se plaignent de bashing quand on attaque leur film à eux. Non, pour moi, le bashing doit pas exister, peu importe le genre, peu importe la nationalité, peu importe, faut laisser la chance aux gens, parce que sinon, pour moi, ça tue carrément l'objectivité. Si tu vas en salle dans le but de défoncer un film en sachant pertinemment que tu n'y vas pas, pour moi, c'est même pas être cinéphile, c'est juste être un gros con, quoi. Mais je le dis. C'est non. Après, on peut ne pas avoir envie de le voir. Je sais qu'Eddie, par exemple, il n'a pas du tout envie de le voir et il n'ira pas le voir. Ou peut-être qu'il tombera dessus un jour par hasard et il le regardera. Mais je sais qu'Eddie n'est pas dans la démarche, même si on n'est pas du tout d'accord. Mais Eddie n'irait pas payer 10 euros pour dire je vais le voir rien que pour écrire un truc dessus dans le but de bien le descendre. J'ai mieux à faire de mon argent. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pareil pour moi. Voilà, mais après, voilà, je sais que s'il tombe à la télé dessus, peut-être qu'il le regardera et puis peut-être qu'il. Voilà, là il est. Mais tu sais, c'est de la même manière que Internet, malheureusement, permet aussi à tout le monde de donner son avis et franchement. Il y en a qui font mieux de le garder pour eux parce que c'est pas du tout intéressant. Les cartes passent illimitées dans les cinémas, ça permet à tout le monde d'aller voir plein de films et du coup de donner son avis et c'est pas toujours intéressant quoi. Il y en a qui ont une vraie démarche cinéphile et qui y vont parce que voilà, ils s'intéressent à tout, ils sont curieux, puis il y en a ils y vont. Ouais, voilà, et il y en a qui vont y aller juste pour dire ouais, mais moi j'y ai été, de toute façon je m'en fous, je payais pas vraiment, mais. Au moins, voilà, j'ai été voir et je peux dire oui que c'est nul. Bah, peut-être. Avant, j'étais peut-être un peu comme ça, mais maintenant, vous voyez, j'ai raté Transformers 5 parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que j'y aille, je ne vais pas aimer, je le sais. Donc, mais avant, j'allais un peu voir des films de façon très boulimique. Là, maintenant, je sélectionne un petit peu. D'ailleurs, bon, demain, attention, parce que là, quand je vais dire ça, Eddie va m'insulter. J'avoue, demain, je vais voir un film. Je suis pas motivé du tout, mais j'y vais quand même. C'est le nouveau Malick. J'ai pas du tout envie de le voir, ah oui, vraiment. C'est vrai. Son tout son. J'ai pas envie. Parce que voilà. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est Terrence Malick, t'as aimé quelques-uns de ses films. Donc tu peux te dire peut-être que. Oui, et je me base aussi sur un avis précis de quelqu'un qui n'avait pas aimé À la Merveille ni Night of Cups et qui m'a dit franchement, c'est pas aussi puissant que Theatre of Life, mais t'as des moments de grâce absolus. Donc du coup, j'ai quand même envie de le voir parce que Malick a un talent. Après, que son cinéma me touche ou me touche pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de le voir. Puis bon, le casting, voilà, Fassbender, Rooney Mara, Ryan Gosling, bon, rien que pour ça. Terrence Malick, des fois, tu vas rien que pour ça aussi. C'est qu'il y a des acteurs que t'aimes tellement, tu sais, qu'ils vont être filmés de telle façon que t'as envie de les t'as envie de personne, voir ça aussi. Voilà, donc j'y vais sans être motivé, c'est vrai. Et puis bon, bah après, si j'aime. Et j'avoue, il y a ce doux plaisir. J'aimerais trop que demain, après les 2 heures de Malick ou de sommeil, je sors de la salle en me disant mais j'ai adoré, c'est un de mes films de l'année. Et c'est bête à dire, je veux pas faire le mec égocentrique, mais de prouver qu'on peut aller voir des films effectivement en ayant pas vraiment de motivation, mais en sortir surpris parce que voilà, même Gangsterdam que j'ai ri, je voulais vraiment pas le voir, hein. J'y suis allé, je me suis dit putain, je le sens pas vraiment, en plus avec la polémique, bon vous voyez, je suis sorti en me disant ma merde j'ai ri, bon j'ai assumé mon avis et je me suis fait unfollower, mais voilà, donc je pense qu'il faut rester objectif parce qu'au bout d'un moment on est plus honnête envers soi-même et il y a beaucoup de personnes dont des noms qui sortent beaucoup, enfin j'ai des noms précis en tête forcément, c'est un peu visé quand je dis ça, de gens qui vont juste voir des films dans le but de les détruire et c'est facile de tirer sur l'ambulance et pour moi je peux pas donner des crédits à des gens, enfin du crédit à ces gens-là parce que pour moi c'est... Je trouve ça nul comme démarche, c'est même pas être cinéphile comme j'ai dit, c'est être frustré et pas être ouvert d'esprit et manquer peut-être même un peu d'honnêteté. Donc bon, voilà. Mais après voilà, dans le cas du Manoir, c'est un film qui a ses défauts, mais vraiment en matière de mise en scène, il y a vraiment des choses que j'ai trouvées intéressantes. Il y a des moments un peu burlesques, il est question à un moment d'un sanglier qui parle en portugais et c'est la voix de José Garcia. Je vous laisse imaginer le truc. C'est un délire, franchement, c'est un gros délire. Ça va jusqu'au bout. Ça aurait pu être encore plus fou que ça, mais ça va jusqu'au bout du truc, donc j'ai pas adhéré à tout. Mais franchement, pour la partie horrifique... Mais il y a des films comme ça, hein, qui sont parfaitement incompris aussi. Ouais, je pense que... Bah, le problème, c'est qu'on l'a un peu aussi mis dans la case... On l'a un peu aussi mis dans la case de pas très normale activité, qui était pas bon non plus. Enfin, moi, j'ai traîné 20 minutes devant ce film-là, et j'ai arrêté. Parce que Norman, parce que YouTube... Mais bon, ils font pas tous... sur YouTube, il y a tout, quoi. Il y a tous les caractères, tous les styles d'humour. Bah oui. Et là, ce film-là, c'est juste... On met des stars de YouTube pour mettre des stars de YouTube, c'est vraiment on leur donne des personnages à jouer, on leur donne un vrai scénario. Après voilà, la partie comique m'a un petit peu, je la trouve inégale, mais la partie horrifique est bien foutue. Et si ce mec là pouvait un jour faire un vrai film de genre, je sais plus c'est quoi le nom, pardon, mais si un jour il fait un vrai film de genre à la française, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Tony Datis, voilà. Et bah franchement, si un jour il se décide de faire un film de genre, un pur film d'horreur, et bah je le regarderai parce que la partie horrifique du Manoir, c'est la plus intéressante et la plus aboutie. Ok. Oui, je voulais juste rebondir rapidement, puisque je vois que dans le casting, il y a Vincent Tyrell. Et je voulais conseiller aux gens d'aller voir Les Dissociés, qui est un film qui est sur YouTube de Golden Moustache, qui est un excellent film et que je vous conseille énormément. S'il n'avait pas encore vu, mais il est sorti que sur YouTube. Voilà. Bon, on va passer à Eddie. Tu voulais parler du coup de Dracula Alors, de. ça va être rapide, hein. Alors, pas Dracula Untold. Oui. C'est vrai qu'on a parlé de la momie, alors, enfin, vous avez parlé de la Oui. momie, alors j'aurais pu, mais non, non, non. Dracula, c'est Bram Stoker, Dracula de Francis Ford Coppola, que j'avais découvert il y a. Je crois que c'était 2009, je crois, donc ça commence à dater. Ouais. Et c'est vrai que c'était une référence, donc j'y allais assez confiant et j'avais pas du tout adhéré. Enfin, j'avais trouvé l'histoire évidemment intéressante, mais après ça reste l'histoire de Dracula que je connaissais. Mais c'est vrai que l'ambiance visuelle m'avait vraiment pas aidé à entrer dans le film. Donc voilà, j'étais resté sur une mauvaise impression et du coup je l'ai revu pour me refaire un avis. Ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et malheureusement, mon avis ne change pas. Donc D'accord. voilà. En fait, c'est un film qui est intéressant, mais moi, c'est vrai que visuellement, il y a vraiment des trucs qui passent pas, quoi. Je trouve que c'est énormément kitsch, en fait, aujourd'hui. Et je pense même à l'époque que ça l'était déjà. Ouais, c'est possible. Et c'est vrai 92. que ouais, voilà. Mais je pense que même en 92, ça l'était déjà. Il y a quand même un casting assez Il énorme, hein. Gary Oldman, y a des... Winona Oui. Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Ah, mais c'est sûr, hein, Enfin. ça c'est clair. Mais c'est vrai que je pense que voilà, là, Francis Ford Coppola, il a voulu essayer un truc visuel avec ce film-là, et je trouve que ça fonctionne pas du tout, quoi. C'est vraiment, c'est parfois trop coloré. Il y a des effets de surimpression. Il y a des effets de maquette, mais qui sont hyper gros. Et du coup, je pense surtout à une image. C'est au début, c'est quand Keanu Reeves arrive dans les Carpates en train, qu'il arrive vers le château de Dracula. Et à un moment, on voit en fait, on est à la place du train, et donc on voit les rails défiler. À un moment, le train sort d'un tunnel. Mais les décors autour, ça fait tellement carton-pâte et tout, c'est même pas réaliste en fait. Et pourtant, il y a déjà eu des films faits avec beaucoup de maquettes, des choses comme ça. Même Peter Jackson, dans Le Seigneur des Anneaux, l'a fait. Mais jamais ça avait un rendu comme ça. Et même des films plus anciens étaient visuellement plus intéressants. Je veux dire, tu prends les maquettes de 2001, c'est de l'espace, ça n'a rien à voir, quoi. T'as vraiment la sensation d'être dans l'espace. Et pourtant, le film n'est pas tout jeune. Oui, clairement. Et là, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment perturbé, quoi. Et en fait, vu que le souci, c'est que la narration du film, elle est principalement visuelle en plus. Et du coup, quand t'adhères pas, c'est compliqué d'apprécier le film derrière, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Alors, j'en suis navré, hein. C'est Non. une référence qui, moi, me laisse vraiment dégoûté. Enfin, je vois pas. Enfin, c'est vraiment une référence parce que pour moi, c'est. Je trouve qu'il est souvent assez décrit comme. Enfin, décrié comme. C'est pas vraiment un bon Dracula, c'est pas un bon Francis Ford Coppola. Il était dans sa période 90 où, après le Parrain 3, qui est clairement très très en dessous des deux précédents, et après il a fait Jack qui est un. Enfin, moi je l'aime pas ce film, mais. J'ai préféré Jack. Ouais, mais par rapport à ce qu'il a fait avant, c'était clairement pas du même calibre et au niveau de la réalisation. Et enfin voilà, dans les années 90, je trouve que c'était difficile pour lui, pour Francis Ford Coppola. Et Dracula, c'est un peu. Moi, j'ai un peu le même avis que toi là-dessus. C'est pas un film que j'apprécie énormément. Il y a des bonnes idées parfois, mais c'est pas non plus. Pour moi, c'est pas la référence. Hein. Pour moi, c'est Todd Browning et c'est tout. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, Todd Browning avec la chauve-souris en plastique. Oui, voilà. Ouais, mais même ça en fait, moi j'ai préféré, quoi. Ouais, mais. Et bien sûr le Nosferatu de Oui, Murnau, mais ouais, aussi, ouais. qui alors il y a des références au Nosferatu de Murnau, hein, je veux dire, Ouais, c'est dans vrai. les jeux d'ombre et tout, dans Dracula de Coppola, mais on voit les références et on est content de les voir, quoi. Parce qu'elles sont finalement plus intéressantes que tout ce qu'il essaie de faire visuellement à côté. Ok, ouais. Ouais, donc moi j'avais pas grand chose à dire de Ouais, plus. non, Après, voilà, Winona Ryder, elle est très bien. elle porte les robes comme personne, enfin ça lui va parfaitement. Même Gary Oldman est pas mal en Dracula, je trouve qu'il est vachement intéressant. Par contre, Keanu Reeves, non, c'est pas possible. Et Anthony Hopkins, ben, je suis assez partagé, je le trouve pas mauvais, mais j'ai l'impression qu'il s'amuse vraiment. J'ai pas la sensation qu'il prenne vraiment son rôle au sérieux. En fait. D'accord, ok. Donc voilà. Donc je suis assez décontenancé en fait. Ouais. Je suis très désappointé, comme dirait Gary Oldman. Ouais. Donc voilà. Ok, bon. Moi je voulais enfin je sais pas Morgan. Vous demandez pas mon avis si, désolé, sur Dracula. Désolé, j'allais te demander. J'y ai pensé juste en passant à autre chose. Morgan, est-ce que tu as vu le film déjà? Bah non, je l'ai pas vu en fait. C'est parce que je pensais que tu l'avais pas vu justement. Je l'ai pas vu. Ah là là. J'ai vraiment pas vu, voilà. Désolé. Bon. J'ai pas envie de le voir. Ok. Bon. Moi, je voulais rapidement vous parler. Alors, ça va être un peu spécial de ce que je vais vous parler parce que c'est un documentaire qui a été nommé aux Oscars et qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire 2017. Voilà. Mais le documentaire fait 8 heures. Voilà. Hein? Puisque c'est 8 heures. C'est 8. 8. Oui, voilà, 8 heures. Puisque il s'agit en fait d'une mini-série documentaire mais qui a été élue aux Oscars comme meilleur documentaire, donc on peut considérer ça comme un film de 8 heures. Voilà, c'est pour ça que j'en parle ici et j'en parlerai pas justement dans une minute nerd prochaine. Oui, donc pour parler d'OJ Made in America, c'est un film que j'ai vu déjà sur Arte, puisqu'il est passé en juillet, récemment, sur Arte, et il doit sûrement être encore en rediffusion, et si c'est pas le cas, je pense qu'il devrait être disponible par un moyen quelconque, je ne dirai pas par quel moyen vous pourrez l'obtenir, mais voilà. C'est un documentaire que je vous recommande énormément, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est qu'il a reçu l'Oscar et c'est pas pour rien, croyez-moi. Donc, O.J. Made in America, ça parle du footballeur, l'ancien footballeur américain O.J. Simpson. Si vous ne connaissez pas encore ce personnage, il a été joueur de football américain, très populaire, extrêmement populaire. C'est un joueur de football afro-américain et il jouait dans les années 60, donc voilà, ça pose aussi les bases du mouvement pour les droits civiques. En fait, le documentaire, ce qui est vraiment intéressant avec ce documentaire, je suis désolé si je pars un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment que le document qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il fait des parallèles entre la vie d'O.J. Simpson et le mouvement, les différents mouvements et les différentes dates importantes pour les Afro-Américains aux États-Unis, que ce soit la lutte des droits civiques ou que ce soit au niveau des violences policières et des procès qui ont suivi, surtout en Californie dans les années 90. Voilà, donc tout ça sert à peindre le tableau de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, tout ce qui se passait aux États-Unis jusqu'à maintenant, quasiment. Oui, le documentaire va jusqu'à notre période, enfin 2006 à peu près. Je vais pas tout vous dévoiler si vous ne connaissez pas encore la vie complète d'O.J. Simpson, parce que c'est très intéressant de le découvrir en même temps avec le documentaire. Moi, je connaissais le personnage via plusieurs citations dans des séries populaires des États-Unis, par exemple dans Les Simpsons, etc. Et plein d'autres, South Park, enfin voilà, j'en sors que quelques-unes, mais il a été cité dans beaucoup de choses. Et il est connu pour sa carrière de footballeur, mais il est surtout très connu pour en fait avoir supposément tué sa femme, donc Nicole Brown Smith, Simpson, et un ami à elle, Ron Goldman. Il a été acquitté de ces deux meurtres à son procès. Et donc, ça, enfin, le documentaire explique beaucoup mieux que moi. Je suis un peu en train de bafouiller, désolé. Voilà, le documentaire explique tout en détail, toutes les procédures qui ont été mises en place pour traiter ce procès, tout ce qui a fait, enfin tout ce qui a suivi, tout ce qui a suivi l'arrestation de O.J. Simpson pour ce procès. Il nous présente les preuves une à une. Il nous présente aussi des témoignages. Et ce qui est génial avec ce documentaire, c'est qu'il ne prend pas parti. Il ne dévoile aucune, enfin il ne pense dévoiler aucune réponse. Et c'est au spectateur de se faire son propre jugement selon les preuves et les interviews qui sont présentées dans le documentaire. Donc toutes les parties, ceux qui pensent qu'il les a tués et ceux qui pensent qu'il ne les a pas tués sont interviewés et ont le même temps d'antenne, si on peut dire. Et donc du coup, ça permet de se faire un avis soi-même, et on est en constante bataille avec soi-même puisqu'on a des preuves pour, contre, etc. On n'est pas vraiment sûr. Au final, moi, au bout de ces 8 heures, je suis quasiment sûr de mon jugement, mais je vais pas l'apporter à vous. Enfin, je vais pas vous l'apporter puisque c'est une bataille en fait, mais en même temps, c'est une bataille très intéressante pour tous ceux qui s'intéressent un peu à des enquêtes judiciaires. C'est assez intéressant, et c'est plus intéressant que des séries genre crime ou des machins. Enfin voilà, je trouve que ce qu'on fait en France au niveau de par exemple, crime, c'est vraiment pas terrible. Et ça, c'est un documentaire vraiment très bien produit, très bien réalisé, avec des documents, énormément de documents, que ce soit vidéo, audio, des photos. Il y a des moments un peu gore parfois, qui sont pour les plus gore d'entre eux, censurés pour notre bien-être, on va dire, parce que moi, personnellement, j'avais pas envie de voir j'avais pas vraiment envie de voir. La scène de crime en entier, et heureusement il nous la montre pas dans sa plus, enfin il nous montre quand même pas mal de choses, mais il nous montre pas la partie la plus brutale, on va dire. Et donc voilà, c'est un documentaire extrêmement intéressant que je vous conseille énormément. Si vous pouvez encore le voir sur Arte, foncez. Je sais que 8 heures c'est beaucoup, mais ce qui est bien, c'est que c'est séparé en 5 parties. Du coup, vous avez 5 parties d'une heure 30 et vous pouvez les regarder une fois, enfin de temps en temps, et c'est vraiment très intéressant. Et moi, j'ai pas lâché le documentaire jusqu'à ce que on devient addict au documentaire assez rapidement, et on a tout de suite envie de voir la suite, ce qui se passe. Et je vous conseille justement de pas vous renseigner si vous ne connaissez rien du tout sur l'histoire, de pas vous renseigner à l'avance, comme ça vous permettra de ne pas avoir de jugement au préalable, et aussi pouvoir découvrir tout ça en même temps. Et voilà, donc c'est tout. Je voulais vraiment vous le conseiller parce que ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment un documentaire très intéressant, et s'il a gagné l'Oscar, comme je le disais, c'est pas pour rien, et c'est que c'est vraiment un très très bon film et un très bon documentaire. Voilà, et on passe tout de suite au film du mois. On est donc à la rubrique du film du mois, désolé. On va parler d'Okja. Comme je l'ai dit au début, c'est une première un peu pour le podcast Movies Nerd, puisqu'on va parler, enfin on va mettre en film du mois un film qui est sorti qu'en VOD et que sur Netflix aussi. Donc voilà, on crée la controverse entre guillemets. Donc Okja, c'est un film réalisé et scénarisé par Bong Joon-ho, qui est sorti en France, enfin au Festival de Cannes le 19 mai 2017, on en avait parlé déjà, mais plus précisément sur Netflix le 28 juin 2017, dans toute la France, dans tous les pays qui accueillent Netflix, pardon. Donc on retrouve au casting Han Seo-yeon, qui joue Mija, Tilda Swinton qui joue Lucy / Nancy Mirando, Paul Dano qui joue Jay, Jake Gyllenhaal qui joue le docteur Johnny Wilcox, Bien Yibong qui joue Yibong, et Steven Yeun qui joue Kay, Lily Collins qui joue Red, voilà, donc ça c'est pour les personnages principaux. Donc, je vais ra rapidement rappeler le synopsis. Donc, Lucy Mirando, qui est à la tête de la société Mirando Corporation, annonce la création de cochons géants. 26 seront élevés par le monde selon les spécificités locales, et au bout de 10 ans, un des cochons sera couronné le plus beau cochon. Voilà. Midja vit avec son grand-père dans les montagnes sud-coréennes en compagnie d'un de ses cochons qu'elle appelle Okja. Alors qu'Okja est l'objet de lutte entre la société Mirando Corporation et les membres du Front de Libération Animale, Midja fait tout son possible pour trouver sa meilleure amie. Voilà, donc ça c'est le synopsis. Morgane, je vais peut-être te laisser commencer. Ouais, voilà, c'est un homme désespéré que vous entendez. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce film, parce que Bong Joon-ho est peut-être un de mes réalisateurs préférés, c'est même pas peut-être, c'est même C'est sûr. clair, ouais. Memories of Murder, pour moi, qui est Le... un des plus Ouais. grands polars de tous les temps, The Host, qui a fait revivre le film de monstre d'une façon très originale et hybride. Mother, qui était un drame bouleversant, enfin voilà, et Snowpiercer, qui était Snowpiercer. une démonstration de force absolument incroyable dans le décor des blockbusters américains, ça tranchait vraiment. Et là, en fait, j'avoue que dans le pitch de base, j'étais pas vraiment emballé. Je me suis dit, pourquoi Bong Joon-ho veut nous raconter un. Pourquoi il va vers ce genre d'histoire? J'ai très vite compris que ça allait être un film, on va dire, très militant sur la condition animale, sur les méfaits des grands lobbies industriels qui exploitent les animaux dans le but de les manger. Et c'est une cause très noble, évidemment, hein. C'est horrible, hein, ce qui se passe dans les abattoirs. Je précise que je ne suis pas végane, donc on va peut-être me dire, mais Morgane, ta gueule. Mais voilà, non, je reste conscient et lucide sur comment les animaux vivent dans ce genre d'usine. Voilà. Et je trouve donc que c'est une cause très noble, mais qu'il défend, je trouve, avec un niveau de. Enfin, avec un discours que je trouve d'une bêtise et d'une niaiserie, mais pour moi qui est juste incohérente avec tout ce dont Bong Joon-ho m'avait habitué jusqu'à présent. Pour moi, Bong Joon-ho, c'est le cinéaste des émotions pures, cinéaste de la violence, c'est assez viscéral, c'est. Enfin voilà, il touche vraiment à tout avec beaucoup d'aisance. Et là, je trouve que c'est comme si que Bong Joon-ho avait rencontré Disney Clairement et pas, que il attends. s'est. Moi je Ah trouve, hein. non, Et qu'ils se mettent à faire un film hyper manichéen, parfois même, je trouve, à la limite du ridicule, enfin je veux dire, démontrer, enfin, il y a une scène où il y a Tilda Swinton et puis je ne sais plus qui sont en train de manger un bâtonnet de saucisson, puis qui sont là, oh c'est trop bon, oh là là, vraiment ce côté, mais on a compris, pour moi je trouve que le film manque énormément de nuances, il est dans un discours qui est un peu bébête, malgré la noble cause qu'il cherche à défendre encore une fois. Et avec un humour, enfin, je veux dire, l'humour sur les pets et les excréments d'Okja, Ah oui, je ça ne par contre, comprends pas pourquoi. Mais ça, j'ai mais trouvé ça ridicule. c'est plus japonais que coréen, je trouve, ce genre d'humour. Ouais. Tellement, enfin, vraiment très débile comme ça. C'est pas, enfin, il nous a pas habitués à ce genre d'humour en tout cas. Il nous a plus habitués à un genre d'humour gros, enfin, grossier, mais plus adulte, on va dire. Par exemple, dans Memories of Murder, avec le gars qui se bat tout le temps dans les bars, etc. Enfin, c'est des choses comme ça. Là, c'est plus enfantin. Voilà, moi je trouve qu'il y a un côté trop enfantin. Alors beaucoup font le lien avec Spielberg et moi je suis pas du tout d'accord parce que Spielberg tendait vraiment vers l'émotion. Je trouve que l'émotion d'Okja, c'est une manipulation des émotions. C'est même limite un peu, c'est un peu tire-larme et niais. Ouais, j'ai trouvé ça niais. Ça m'a dérangé, cette épouvantable niaiserie. Et en plus, là où je trouve le film pas très, un peu pas malhonnête, mais par rapport à la manière qu'il a d'amener sa morale, effectivement sur la défense de la cause animale et tout, parce qu'on sait très bien qu'Okja va être un peu pris au piège de ces industrialistes, je sais pas si ça se dit, qui veulent l'exploiter, en gros le tuer, quoi, l'exposer, le tuer. Le problème de ce film-là, c'est qu'on te montre Okja dès le départ, non pas comme un animal à part entière, mais comme un compagnon de vie d'une gamine un peu seule. Du coup, ça crée immédiatement chez le spectateur une espèce de prise d'otage émotionnelle qui est, regardez, c'est pas qu'un animal qui souffre, c'est avant tout le meilleur ami, le confident, c'est l'animal de compagnie de cette fille, un peu. Et je trouve que ça, on tombe vraiment dans les travers de la manipulation des émotions et vers un discours, enfin, pour moi, c'est une manière de montrer qui est pas du tout subtile et qui est totalement, mais en deçà de ce que Bong Joon-ho fait de base. Et même en termes de réalisation, franchement, je trouve que c'est, à part une scène de course-poursuite qui est vraiment bien foutue, avec voilà, il y a comment dire, comment il utilise l'espace, enfin, le Okja dans un espace assez, je trouve que ça, à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Mais à côté de ça, je trouve que c'est pas vraiment bon. Les acteurs, casting très inégal. Tilda Swinton, génial comme d'habitude. Mais alors, Jake Gyllenhaal. Oh ouais. Ah non, Jake Gyllenhaal, franchement, je l'ai trouvé insupportable. Vraiment, j'ai pas du tout, du tout aimé ce personnage. J'ai pas du tout aimé sa composition. Et voilà, même que ce soit dans la mise en scène que dans le scénario, je ne comprends pas pourquoi il est à la canne. Franchement, je trouve franchement que ça aurait pu. Enfin, est-ce que finalement, je vais pas remettre en cause la vie des gens, évidemment, mais peut-être est-ce qu'on défend pas un peu ce film par rapport aux conditions qu'il a eues d'être tourné. Par exemple, c'était un peu le film mal aimé de Cannes, parce que c'est Netflix, donc il a été un peu boudé, donc les gens ont peut-être envie de le défendre pour ça. Moi, je pense que ce film-là serait sorti en salle, je pense pas que les gens l'aimeraient autant. Je me pose vraiment des questions. Parce que moi, personnellement, c'est vraiment pas le Bong Joon-ho que j'aime. C'est pas ce cinéma-là qui me plaît chez lui, et je comprends pas comment il a pu tomber aussi dans le... Pour moi, il est tombé dans la grosse machine américaine bien huilée, avec des émotions boursouflées et tout. Et pour moi, voilà, il s'est confiné là-dedans et il n'y a même pas de patte coréenne, je trouve, dans sa réalisation. Je trouve qu'il s'est enfermé dans un consensus qui me déplaît fortement et j'ai pas du tout, du tout aimé. Ok. Voilà. Snowpiercer avait déjà pas mal déçu, il me semble. Ouais, mais il restait quand même. Bah, Snowpiercer, en termes de mise en scène, il y avait toujours des idées. Par exemple, les scènes de combat quand il passe sous les tunnels, par exemple. Ça, c'était. Il y avait vraiment des vraies idées visuelles. Et il y avait vraiment des choses qui se démarquaient. J'ai dû le voir une deuxième fois pour mieux l'apprécier. Mais là, dans Okja. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Dans Okja, franchement, je trouve que c'est du classique à mort, quoi. Il y a rien qui se. Je trouve qu'il se démarque pas du tout, il tombe dans une simplicité. Je trouve que c'est simpliste, quoi. La manière qu'il a d'orchestrer son histoire et d'amener sa morale, qui encore une fois est noble, mais c'est hyper simpliste. Je trouve ça cucu et ça m'a pas du tout touché. Ok. Alors. Désolé. Non, mais c'est pas, y a pas de souci. Donc moi je l'ai vu après que tout le monde en ait parlé, surtout que Morgan est sorti son 1,5 sur 5, je crois, sur Okja. Donc j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à lire des avis différents. Certains disaient oui c'est un grand film, d'autres comme Morgan qui disaient que c'était trop simpliste. Et donc du coup j'y suis allé avec moins d'attentes que j'avais à la base. Puisque j'attendais quand même énormément. Bong Joon-ho, c'est un de mes réalisateurs préférés aussi. Et du coup, quand j'ai regardé le film, je m'attendais plus du tout à grand chose en fait. J'ai regardé le film, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr d'aimer, mais au moins j'aurais essayé. Et c'est vrai qu'il y a certains problèmes, je ne le cache pas, clairement. C'est vraiment, il y a beaucoup de soucis, mais. Pour moi, c'est quand on essaye de le voir sous la vision d'un... Je pense qu'en fait, Bong Joon-ho a essayé de faire un conte moderne et qu'il a réussi par certains aspects. Pas aussi bien réussi qu'il l'aurait voulu, je pense, mais en tout cas, je trouve qu'il a... Les contes à la base, que ce soit Grimm, etc., Perrault, c'est très simpliste, c'est très cucu. C'est très méchant contre gens, voilà, méchant contre gentil, voilà. Et pour moi, il y a vraiment, pour moi, il a vraiment voulu faire un conte, que ce soit aussi simple que ça, c'est clairement voulu, je pense, aussi simpliste, et que ce soit... En même temps, il y a certains trucs qui me font dire que c'est pas non plus méchant contre gentil, parce que tout le monde est un peu traité de la même à la même enseigne, que ce soit le Front de Libération Animale, qui est, ou la Mirando Corporation, tous les deux ont leur plan, chacun ont leur plan, et chacun veulent... enfin voilà, ils sont même le Front de Libération Animale n'est pas présenté sous le meilleur des jours. Il y a aussi des salauds là-dedans, vraiment. D'ailleurs, Paul Dano, qui je trouve excellent d'ailleurs dans le film, qui joue le chef un peu du Front de Libération des Animaux, on découvre au final que c'est... Enfin, qu'il a vraiment un agenda très spécifique et qui... Enfin, voilà, c'est un personnage assez gris qui flirte parfois vers l'hyper-violence et en même temps qui veut la paix, etc. Donc, il y a vraiment des zones... Enfin, il y a du conflit dans le film et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant, la manière dont il a de présenter tout ça. Alors, concernant la réalisation, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Bong Joon-ho est vraiment très bon dans la réalisation dans ce film. C'est pour moi, c'est ce qui sauve le film, vraiment. Parce que, d'accord, il y a Jake Gyllenhaal qui surjoue vraiment. En même temps, j'ai envie de dire, c'est le rôle. Et c'est un peu, pour moi, en fait, comme je le vois sous la forme d'un conte, c'est vraiment voilà, des personnages plus grands que nature qui sont là pour surjouer à mort et qui... Voilà, qui sont pas là pour paraître réels, et c'est à peu près... Enfin, tous les personnages du film sont un peu comme ça en même temps, sauf Midja, qui est la petite héroïne. À part ça, tous les autres personnages sont plus grands que nature, enfin voilà, ils surjouent à mort, même Tilda Swinton, hein, elle surjoue vraiment à mort, c'est... Pour moi, c'est pas anodin, je trouve que... Enfin, c'est voulu, je pense. Et c'est ce que j'ai ressenti en voyant le film. Pour moi, la réalisation est très bonne. C'est clairement pas un niveau de Memories of Murder, c'est clairement pas au niveau de Mother, c'est clairement pas au niveau de tous ces autres films. Mais pour moi, il a toujours sa patte spécifique. Il a toujours aussi cette envie de critiquer la société moderne en parlant pas que de la condition animale, mais aussi en parlant de notre des réseaux sociaux. Par exemple des selfies, une nana qui court dans le métro alors qu'elle est pourchassée par Okja avec son selfie stick et qui se prend en selfie alors qu'elle risque de mourir, c'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est clairement enfin voilà, il s'en prend à beaucoup d'aspects de la société et pas que de l'aspect de la consommation d'animaux. Et voilà, moi j'ai apprécié. Il y a aussi des problèmes. Moi je trouve la musique nulle, mais vraiment, j'ai vraiment pas aimé la musique. Il y a certains acteurs secondaires qui sont vraiment pas nécessaires et qui jouent très très mal. Et même par rapport à d'autres qui surjouent, ils jouent vraiment mal. Voilà, il y a des problèmes, je vais pas le cacher, mais pour moi, le film n'est pas la pire bouse de tous les temps et n'est pas non plus le plus grand chef-d'œuvre jamais créé. Voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Morgane. Non, j'ai rien à rajouter. Voilà, t'as tout. Enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. T'as dit ce que t'avais à dire. Non, moi je suis vrai. Je suis peut-être un peu sévère. Non, je suis peut-être un peu non, sévère mais... sur le film. C'est vrai, je le reconnais. Hein. Mais c'est vrai que non, ça m'a tellement déçu. Il y a aussi la déception qui parle. Ouais. Mais oui, c'est parce que moi, si j'avais, en fait, je pense que si j'avais ton niveau d'attente, si j'avais eu ton niveau d'attente en le voyant, si j'avais pas eu tous les retours avant, j'aurais été déçu comme toi et on serait tous les deux en train de bâcher le film. Mais c'est juste que j'ai eu les retours de tous les gens et j'ai pu m'imprégner de tout ça et dire ok, je vais voir un film qui divise clairement et je vais voir ce que j'en fais. Et j'ai pu le voir sous cet aspect du conte. D'ailleurs, j'ai retrouvé pas mal de choses dans les critiques que j'ai lues après avoir vu le film, que beaucoup de monde le voyait sous la forme d'un conte moderne. Et moi, cette vision me plaît plutôt, enfin, me plaît assez. Donc, c'est pour ça que j'accepte le film. Mais voilà, si je l'avais vu avec ton niveau d'attente, clairement, je serais en train de le bâcher comme toi. Oh, le bâcher, faut faire attention, hein. Non, mais tu le bâches pas, mais tu t'es quand même. Non, mais oui, je suis assuré. J'ai un avis un peu tranché, un peu sévère. C'est... Enfin, tranché. Non, il y a des bonnes choses dans le film. Hein. J'aime. Voilà, il y a quelques scènes qui sont touchées par la grâce et qui me font reconnaître un peu. Voilà, une. Que le film n'est pas totalement mauvais. Mmh. Et les acteurs sont très bons. J'adore Tilda Swinton d'ailleurs chez Bong Joon-ho. Je trouve qu'elle s'épanouit vraiment et ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais. Mais après, à côté de ça, voilà. Et Paul Dano, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, mais il est excellent, Paul Dano. Voilà, Paul Dano. Non, le film en lui-même, voilà, je suis pas convaincu du tout. Ok, d'accord. Bon. Désolé, non, les vegans. oui, bah ouais, justement, on parle, mais je trouve que c'est aussi un film important, même si toi tu le vois qu'il est, enfin tu penses qu'il est un mauvais, mais je pense que c'est un film important et qu'on peut montrer à des enfants par exemple, par rapport à des films à d'autres films de Bong Joon-ho. Là c'est un film qui est acceptable pour les enfants de 10-12 ans, je vais pas non plus aller dans les 5-6 ans, mais c'est une cause importante comme tu as dit. C'est quelque chose qu'on peut montrer à des enfants et qu'il n'y a pas non plus de surviolence. Ça montre la réalité, clairement. Et voilà. Je pense qu'on a tout dit. Donc, faites-vous votre propre avis sur Okja, c'est tout ce qu'on peut dire. De toute façon, c'est disponible sur Netflix. Donc, si vous avez un abonnement, vous pouvez le voir quand vous voulez. Voilà. On passe tout de suite à la Minute Nerd. Comme j'avais dit au début du podcast, ça devait être moi en remplacement d'Eddie, mais comme Eddie est apparu, Eddie va faire sa minute. Et comme tu n'avais voilà, pas j'avais, enfin, j'étais en train de chercher pendant qu'on faisait le podcast. mais comme Eddie est apparu, Eddie va pouvoir faire sa minute nerd comme c'était prévu à la base. Donc je vais te laisser parler. Vas-y. Alors j'avais pas d'idée non plus. Hein. Je l'ai trouvé tout juste là. Mm. Moi j'ai envie de vous parler, alors c'est pas ça a rien à voir avec le média. Mm-hmm. C'est pas du tout c'est pas un film, c'est pas une musique, c'est pas une émission, c'est pas sur internet, c'est du concret. Ah. C'est du vrai. La semaine dernière j'étais en vacances. Mm-hmm. Donc je suis allé en vacances dans le Périgord noir, donc la Dordogne, une région du talent. Exactement, et c'est une magnifique région. C'est une magnifique région dont je suis tombé amoureux vraiment. Je m'attendais pas du tout en fait à apprécier comme ça. Je savais que j'apprécierais parce que j'aime les régions. Là où je t'emmènerai. Ouais, alors non, c'est pas ça. Non, on va pas parler de ça. Mais j'aime bien, oui, les régions. Moi, il y a de l'histoire. C'est historique. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai, j'étais à Sarlat, et Sarlat, c'est vraiment une belle ville. Ah oui, j'y suis allé. Le vieux Sarlat, c'est magnifique avec les rues à colombage et tout ça, et c'est une vieille ville médiévale. Ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, et c'est vrai que partout où on va il y a toujours plein de trucs à visiter. Mm-hmm. Mais moi évidemment en allant là-bas, ce qui m'intéressait aussi beaucoup c'était les grottes préhistoriques. Ouais. Qu'on ne trouve pas partout, clairement. Et évidemment la grotte de Lascaux, donc qui est fermée. Oui, maintenant. Ouais. Qui est fermée au public parce qu'il faut la préserver. Ouais. Mais il y a un nouveau bâtiment, enfin, ils ont construit récemment. En fait, ils sont rendus à la quatrième version de Lascaux. Ouais. Ils ont fait Lascaux 2, donc qui est toujours possible de visiter, donc qui est une reproduction. Hein. Mm-hmm. Ils ont fait Lascaux 3, qui est quelque chose d'itinérant en fait, des reproductions qui voyagent un peu dans tous les musées du monde. D'accord. Et là ils en sont rendus à Lascaux 4, qui est un immense complexe. Ouais, ouais. Avec une reproduction de la grotte de Lascaux et un atelier interactif avec, déjà tout le long de la visite on a notre tablette et tout pour justement en apprendre plus sur les techniques de peinture des œuvres historiques et tout. Et c'est vachement bien foutu. Enfin, c'est ils ont vraiment fait ça très bien parce que du coup, ils font pas parler que de la grotte, ils parlent aussi de l'environnement, comment il était à l'époque, comment ça a évolué, pourquoi les hommes sont venus là, etc., etc. Alors tout ça pour dire que moi j'ai fait donc Lascaux 4, mais que j'aurais certainement préféré faire Lascaux 2. Parce que tu peux pas le faire tous les deux avec. Bah, en fait voilà, donc déjà le billet en fait, il propose des billets jumelés, mais clairement Lascaux 4 n'est pas jumelé avec Lascaux 2. Ah. Ce que je trouve assez dommage. Par contre, il est jumelé avec le Tot, qui est un petit parc animalier à côté et qui présente en fait des espèces qui vivaient à l'époque pendant la dernière ère glaciaire, donc des espèces qui restent encore aujourd'hui. Oui, bah oui. Ouais. Donc les loups, les chevreuils, tous ces animaux-là. Mais du coup, Lascaux 4, en fait, c'est intéressant, on apprend plein de choses. C'est un beau centre, mais par contre, on n'a pas de. Il n'y a pas d'émotion en fait. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être assez. Enfin, moi j'ai vu quand il l'ouvrait justement à la télé, il me semble, je tombais justement dessus. Ouais, c'est, ça a ouvert en décembre 2016. Ouais, voilà, c'est ça. Je regardais et ça avait l'air d'être assez aseptisé, le centre en fait. C'est un gros. Ah, le centre en lui-même, oui, mais après, je veux dire, quand on entre dans le. Dans le. Comment on appelle ça? Le musée, enfin c'est pas un musée mais c'est, quand on entre dans la grotte en fait mais ça c'est un nom bien particulier je pourrais pas t'aider là le fac similé. Ok, d'accord. Ils appellent ça un fac similé et en fait c'est une reproduction de la grotte telle qu'elle était, mais c'est une reproduction au millimètre près quoi. C'est comme si on entrait dans la vraie. Ils ont recréé l'entrée avec l'éboulement qui a préservé du coup la grotte pendant plusieurs siècles. Ils ont refait les peintures à l'identique et tout. Alors bien sûr, c'est vachement intéressant, on découvre les vraies peintures, il n'y a pas de différence entre les vraies et celles-ci. Le seul truc, c'est qu'on sait qu'on est dans un lieu où en fait... Qui a été fait récemment et surtout qui n'a jamais été foulé en fait par les artistes à la base de ces peintures-là. Donc j'ai trouvé bien sûr ça très intéressant. Alors ça, c'était ma première visite de grotte préhistorique. J'ai commencé par Dufour en fait. Dans l'après-midi, après, on a été à une toute petite grotte, mais alors toute petite, genre 40 mètres carrés. Hein. C'est rien du tout. Avec des gravures, dont une gravure humaine, ça s'appelle la grotte du sorcier. Et alors là, c'est une vraie grotte. Et déjà, c'est pas pareil. On n'appréhende pas la chose de la même façon. Mais par contre, le lendemain, on a été. Alors un peu plus. C'est un peu plus bas, c'est plus dans le Périgord, c'est dans le Lot. On a été à la grotte du Pêche-Merle. Et là, par contre, c'est une grotte très très grande sur 2000 mètres carrés et c'est du vrai de vrai. Ah ouais. Donc on y va par petit groupe de 25 personnes maximum. Ça dure 45 minutes, pas plus, pour éviter justement qu'il y ait, que les respirations des personnes qui visitent altèrent trop en fait les peintures et les gravures. Et là, c'est vraiment super. Quoi, c'est l'endroit que t'as pas pu prendre de photos, il me semble. Hein. Ouais. Et ben voilà, dans toutes les grottes, hein, les grottes ou les gouffres aussi, qui sont pas forcément des gouffres préhistoriques, mais des gouffres naturels. On peut pas prendre de photos en fait. Ouais, mais c'est comme pour les peintures. Comme tu vas au Louvre, c'est pareil. Hein. Tu prends pas de photos en général. Ouais. Bon, même si. C'est ça. Ouais. Mais du coup cette grotte là le Pêche-Merle, enfin c'était vraiment déjà c'était impressionnant parce qu'il y a un nombre assez impressionnant de peintures et avec beaucoup de représentations différentes, des mammouths, des chevaux, des taureaux, plein de choses, des gravures aussi. Et le plus touchant, j'ai envie de dire, c'est qu'on a même des empreintes de pas. Ouais, on a les empreintes de pas d'un adolescent en fait. Et c'est bête à dire, mais quand on entre là-dedans en fait, on est un peu submergé par une. Enfin, quand on entre et quand on ressort du coup, quand on a vu tout ça, on est un peu submergé par une émotion vraiment particulière parce que du coup, autant l'histoire de l'Antiquité jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a des preuves, on a des textes, on a plein de choses, on a des ruines. Mais dans tout ce qui est l'art pariétal et la préhistoire, en fait, on n'a pas de texte, il n'y a pas d'écriture encore. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans la spéculation, et du coup, ça crée une fascination qui est complètement différente. Ouais. Et on cherche à comprendre pourquoi ils ont été peindre, tout ça. Et c'est vrai que ça nous ramène vraiment à notre humanité, en fait. Et c'est voilà, c'est vraiment je voulais partager ça parce oui, que bah c'est vraiment c'est une sensation très particulière. Ouais. Et même si on s'intéresse pas vraiment à la préhistoire, je pense que c'est quand même quelque chose à découvrir au moins une fois parce que bah on peut pas omettre ça quoi, c'est nous. Donc ouais. donc du coup franchement c'est est vraiment à voir, mais surtout cette grotte là, c'est vraiment elle se mérite. Par contre, c'est que des petites routes de campagne dans les gorges et tout ça. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment, enfin là, ça vaut vraiment la visite. Ok. C'est fou. Ouais. On en voit, il y a des griffures d'ours sur les murs et tout. Enfin, c'est. Ah, ça c'est cool. Ah, c'est trop ah cool. Ouais, vraiment, c'est très très impressionnant. Moi, ça m'a, j'étais bouche bée quoi. C'est 45 minutes de visite, j'ai pas vu passer. Ouais, c'est clair. Et j'étais à fond. Alors évidemment, le. Bon, désolé pour les auditeurs qui viennent du sud. C'est vrai que le guide avait un accent bien du sud. Alors parfois, on comprenait pas tout ce qu'il disait parce que c'est vrai, il avait un accent bien bien prononcé. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que c'était super. Le mec était passionné en plus parce qu'il racontait. Ah. C'est vrai que ça a été magnifiquement conservé. On a des belles peintures, des belles gravures. Et après, selon les guides où on visite, il y en a qu'une. On a fait 4 grottes différentes, bon, personne n'avait la même impression. Ouais. Chacun avait ses propres théories. Par exemple, à Auschwitz, il y avait beaucoup de figures du mammouth associées aux femmes, à des gravures de femmes. D'accord. Et en fait, eux, ils supposent que la femme, en fait, le mammouth représente la force et la femme représente l'humain, en fait. Mmh. D'accord. Et du coup, ce serait toute une figure de la maternité, tout ça. Donc, c'est vachement intéressant. Et c'est ça aussi, c'est ouais, qu'en c'est fait, très spéculatif. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est que ça te permet aussi, toi, de réfléchir. Déjà, tu réfléchis à ce que tu vois, parce que c'est quand même pas anodin. Je veux dire, c'est pas. J'imagine que c'est très beau d'admirer la Joconde au Louvre, mais je pense que c'est parce que j'ai pas fait le Louvre. J'aimerais bien le faire un jour. Ah, c'est. Mais là, c'est que t'es face à des choses complètement. C'est primitif, quoi. Mm-mm. C'est la première forme d'art au monde, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, voilà. Donc, je voulais partager ça. Très et bien. Puis, au-delà de ça, c'est vraiment une très belle région. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'y suis resté que 5 jours, mais je pense qu'on peut facilement y passer 2 semaines. Ouais, tellement, il y a de choses à voir. Voilà. J'ai eu un budget visite de 170 euros, quand même. Mm. Donc, faut le prévoir, mais ça vaut le coup. Et c'est vrai que dans la partie plus haute de France, au-dessus de la Loire, on n'a pas tout ça, en fait, ce qui faisait trop froid à l'époque. Mmh. Ouais. On n'a pas de grottes à visiter comme ça. Moi, je sais que dans ma région, on a des villages troglodytes et tout, construits dans les falaises, mais ouais. À part ça, on n'a pas de peinture. Ouais. Donc voilà, je savais pas non, trop mais, de quoi parler pendant cette minute nerd. C'est très bien. C'est. Mais du coup, moi, ouais, il y a pas que le cinéma. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire aussi, à l'archéologie, tout ça. Donc du coup, bah, je me suis dit, ça peut aussi être une occasion ouais. de parler de ça. J'aurais pu vous parler, oui, de Jurassic World. Le tournage est terminé. Tout ça. On en parlera sûrement dans un parlant cinéma. Donc... C'est ça. Ouais, bah voilà. Nickel. Ouais, bah moi ça me donne. Je suis toujours content d'entendre ce genre de trucs. Donc, et en tout cas, prochaine vacances, Axel, normalement c'est l'Alsace. Hein. Ah. Donc bah, je m'arrange. Nos régions du talent. C'est ça. Voilà. Sûrement vers Kaisersberg et compagnie, tous les petits villages bien touristiques. Ouais, bien touristiques. Mais non, mais Eddie nous a fait une Jean-Pierre Pernaut là. Ouais, c'est ça, Jean-Pierre... c'était mon instant. C'est bah, Jean-Pierre Pernaut ou Stéphane Bern, comme tu veux. Mais, non, pas du tout. non, mais c'est vrai que c'est très cliché, mais franchement, c'est. Quand je pars en vacances, je pars pas dans l'idée de me dire. Moi, aller passer 15 jours pour être à la plage. Ça m'intéresse pas. C'est pareil. En fait, ça m'apporte rien. Moi, j'aime bien. Tu peux être en vacances, te détendre, mais aussi apprendre des trucs et tout. Ouais, ouais. Et c'est vrai que. Ah ouais, j'ai plus apprécié ça que si j'étais parti 15 jours à la mer. Moi, je m'en fous d'avoir un bronzage impeccable qui tiendra pas, alors que là, ça me crée des souvenirs. Bah, oui, non, c'est clair. Et c'est comme. Enfin, moi, quand. Après, quand... si vous aimez la plage, je vous en prie. Hein. J'ai beaucoup été quand j'étais petit, maintenant, ça. Ouais, c'est vrai, on change de. Non, il dit pas, c'est parce que depuis qu'il a vu les dents de la mer, il flippe. Ah non, pas du tout. Alors, moi, les oiseaux, les dents de la mer, ça a pas du tout créé de traumatisme. Non. Ok, bon, ben voilà, c'est la fin de la Minute Nerd et on va passer tout de Oui. suite à la fin du podcast. On est donc à la fin de ce 33e podcast Movies Nerd. Merci beaucoup à vous tous d'avoir écouté. Merci à vous deux d'avoir participé. Merci à Eddie d'être venu en plein milieu, mais c'est toujours très bien. Du coup, on va rappeler comme d'habitude où vous pouvez nous retrouver. Donc, le site, c'est moviesnerd.net. Là, vous pouvez retrouver nos critiques, nos émissions audio et vidéo. Sur les réseaux sociaux, c'est Twitter et Facebook. Donc Twitter, c'est movies_nerd et Facebook, c'est moviesnerd tout court. Sur Sens Critique et sur PodCloud ainsi que sur iTunes, vous pouvez noter le podcast moviesnerd. Donc sur iTunes et PodCloud, ça nous permet de monter dans les classements et ça permet de faire découvrir à plus de gens le podcast, ce qui est toujours très sympa. Et je crois que c'est tout. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Sens Critique et Moïse Nord, TheLexal, THELEXAL. Et j'ai tout dit, donc je vais laisser la parole à Eddy. Oui, et ben moi, Facebook, Moïse Nord, Sens Critique, et c'est Histoire. Nickel. Et Morgan? Moi sur Twitter, @cinemorgan ou Morgan Cineman, sur votre caster Cinémaniac, sur Facebook, Morgan Sheridan, voilà. Encore une fois, hein, vous savez pas où on vient de fêter nos 2 mois de vie commune. Félicitations. Hein. Merci. Il est très heureux. Et j'avais aussi envie de parler d'une petite page Facebook, Twitter, d'un site de cinéma qui s'appelle Le Coin des Critiques Ciné, dont vous pouvez retrouver leur Twitter et leur page Facebook. Je mettrai tout ça dans les voilà, on mettra tout ça dans. Voilà. Ils sont 8 hein, à gérer le site. Il se passe le relais au niveau des critiques. Mais j'ai fait un tour parce que je m'entends bien avec un des rédacteurs qui est très sympathique. Et j'espère d'ailleurs qu'on le recevra un jour en invité dans un podcast. Parce que franchement, quand je parle au micro avec lui, il est passionnant. Il a un avis à la fois pertinent et respectueux. Donc franchement, j'ai envie de vous le faire connaître, voilà, parce qu'ils méritent vraiment d'être entendus. Et en tout cas, leur site est très sympa, donc voilà, vous verrez Le Coin des Critiques Ciné. Voilà. Nickel. Voilà. Donc merci encore à vous tous d'avoir écouté. On vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou malheureusement si vous n'êtes pas en vacances, ben on est désolé pour vous. Et on se retrouve dans un peu plus d'un mois pour le traditionnel bilan de fin d'été. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer à juillet et août 2017, où on parlera de beaucoup, beaucoup de films. On devrait avoir Adrien avec nous aussi. Voilà. Et dans un peu plus d'une semaine, on devrait se retrouver pour le prochain Parlons Cinéma. On va avoir pas mal de news de Comic-Con. On en a déjà pas mal de D23 et pas mal d'autres choses aussi. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver dans un peu plus d'une semaine sur Parlons Cinéma. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.